artiste émergent. 89 Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Charles-Antoine Rioux nous sortira des sentiers battus avec la chronique du club tenaire UQTR et Stéphanie nous expliquera pourquoi on dit ce qu'on dit ce mardi dans sa plus simple expression. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis ce mardi 21 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. J'aurais pu dire que je m'appelle Pierre Bruno aujourd'hui. Pourquoi? Je suis tellement congestionné. Hey, toi aussi? Ah ouais. Toi aussi, t'es pogné de la face? Oh, mais non. Hey, j'ai tellement mal dormi. T'sais, quand, ah, moi aussi. Hier soir, t'as comme mal à la gorge, ouais. Mais t'as mal dans le cou. Tu sens que c'est comme musculaire, là, ça monte dans la tête. T'es comme, ah, ça va être une belle journée demain. Ouais, c'est sensible, tout ça. Je me suis couché hier à 9h30, me disant, je vais récupérer un peu. T'sais, 9h30, j'étais dans mon lit, la lumière éteinte, j'en revenais pas. Mais t'as pas dormi. Pas dormi, pardon. J'ai sur mon application de sommeil, là, comme un loser, j'ai un bloc d'une heure et demie où je dormais pas dans la nuit, pardon. Wow, une heure et demie. Ridicule, à 1h30 du matin jusqu'à genre 3h du matin, je dormais pas. Ah, c'est poche. Moi, tu sais, t'es comme dans un semi-sommeil, mm-hmm. Puis tu t'entends ronfler. Tu te gosses toi-même, tu sais. Ouais. Et ça, je fais ça en permanence. Là, je me dis, oh, pauvre mon chum à côté qui doit se dire, eh, Seigneur. Pauvre mon chat à côté qui doit se dire, genre. Je suis sûr qu'elle ronfle, elle aussi. Oui, elle ronfle et elle crache ses murs. C'est vrai, elle m'achète une rhinite chronique pour ceux qui veulent savoir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et elle a juste un œil. L'autre fois, Danny Janvier, j'étais. Elle est tellement adorable. J'étais au dîner de con avec Danny Janvier. Ben, j'ai pas participé à l'émission, mais j'ai arrangé les ordinateurs en arrière-plan. T'sais. Puis, Danny a fait référence à mon chat, mais il voulait comme pas trop s'avancer. Fait qu'il a fait, en tout cas, c'est assez inside tout ça. Non, mon chat a un œil. Tu peux le dire. En tout cas, je le prendrais pas mal. Elle non plus. Voilà. Non, mais est-ce qu'elle nous écoute présentement? Si non, y a mis la radio? Pas, non, pas aujourd'hui. Pas pensé. Est-ce qu'on parle de l'émission d'aujourd'hui, Steph? Oui, il suffit de parler de nous. Mais non, on aime ça. Dans une quotidienne, les gens veulent nous connaître. Hein? Donc, aujourd'hui, à l'émission, on a Charles-Antoine Rioux qui va être là à 8h pour sa chronique du club plein air UQTR. Ah, ça s'en vient à 8h, une chronique spéciale de la semaine de relâche. C'est comme ça. Ensuite, à 9h, sa plus simple expression, c'est Stéphanie Paradis qui nous présente ça chaque mardi, où on analyse des choses qu'on se dit dans la vie, toi, des expressions communément utilisées. Ensuite de ça, juste à la fin de l'émission, on va faire une grosse pointe à l'adresse. Aujourd'hui, je pense qu'on va devoir demander l'aide du public. On va prendre notre lifeline, notre sûreté. On va devoir aller se faire aider par la chasse-galerie. On va leur demander ça tantôt. S'ils sont capables de nous aider pour une petite chronique radio, ça va être le fun. Mm-hmm. Et on va avoir aussi autour de ça la chronique Le Bloc Pub. Oh! Parler de marketing aujourd'hui, mais on va débuter dans quelques instants avec un petit son foutu palmarès bien simple. Tantôt, j'ai eu peur quand t'as dit mon nom dans l'intro. J'ai comme, voyons, non, j'ai rien préparé. Ah, c'est pas vrai. J'ai préparé quelque chose. Ben j'avais oublié ce que je faisais. Ah, mais quand on aime ce qu'on fait, on voit pas ça comme de la job et de la préparation. Mais non, on le fait sans s'en rendre compte. Chronique préparée sans savoir, c'est automne à Canal V. Je pense que ça sent bien. Une fois par jour, ce gag-là. On va faire donc son petit palmarès avec, je sais pas trop, on va regarder 11 résultats d'études par rapport au dating online. OK. Online dating. Ah. On va faire ça tantôt, je pense. Ça m'intéresse, ça. Ouais. Mais avant ça, en musique, commençons avec Hôtel Morphée qui vont nous réveiller un petit peu avec leur hôtel. Ça, c'est fou. Pour dormir, ça, un hôtel. Ouais, mais après ça, faut que tu te réveilles, faut que tu sortes, faut aller signer out. Au moins, tu fais pas le ménage. Ouais, t'as un petit chocolat sur ton oreiller. Si les dieux tombent, on t'aime, cheveux blancs, décoiffés. Même si ta marque est de rester, nos regards te seront familiers. Oh, Hôtel par Hôtel Morphée, assemblage requis. Dans un hôtel, tu peux voler un petit savon, tu peux voler une lampe, tu peux voler... Une lampe? Une lampe, oui. Ils vont le passer sur ta carte de crédit. Ça. Peut-être, ouais, j'avoue. Bref, on va faire... J'ai déjà failli partir avec un oreiller. Parce que c'était comme l'oreiller, genre, top-notch. Ouais, quand ils vendent des oreillers style hôtel dans les grands centres d'achat, là, c'est pas pareil, pas en tout. Ils sont pas inspirés de la bonne affaire. Mais ça dépend de l'hôtel. C'est un bon point. Donc, on va lister quelque chose, mais pas rapport avec les hôtels. Voici son foutu palmarès. Son foutu palmarès, c'est la chronique où on fait une liste sur un sujet précis. J'ai tout le temps, j'utilise le verbe lister, hein, qui est sûrement pas un verbe quand je dis ces affaires-là. T'sais. Lister? Ouais. C'est un verbe. On peut dire ça? Ben allons-y, que listons quelque chose, tiens. Hein? Donc aujourd'hui, on fait la liste des études sur le online dating, sur les sites de rencontres, en fait. En fait, je me suis toujours demandé, tu sais, un online dating site, là. C'est un site pour rencontrer des gens, c'est un site de rencontre. Ouais. C'est vrai que ça se dit quand même bien. Je trouvais ça bizarre comme de quoi, site de ça? Rencontre en tant que tel. Ben, c'est pas fait pour rencontrer des gens, c'est fait pour dater puis rencontrer, c'est pas la même affaire. Ça. Dater, ça veut dire sortir avec quelqu'un. Ça. Rencontre, ça veut dire juste le rencontrer, tu peux dire hey, salut, puis tu s'en vas. Genre, on dirait que c'est pas comme exactement pareil. Mais peut-être que je me pose trop de questions. Ça. Ben, il faut quand même que tu rencontres la personne. Le but, c'est de te faire rencontrer des gens. C'est vrai. Je m'excuse, mais il y a des sites de rencontres où tu peux choisir amitié. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Donc, c'est le mot en anglais qui n'a pas rapport. Parce que c'est juste dating, alors que ça peut ne pas être du dating. Je pense que c'est plus ça. On a découvert la solution à tout ça. Donc, de plus en plus de gens se fient sur les sites Internet pour rencontrer un partenaire. Et tout ça, évidemment, est de plus en plus étudié. Hein? Donc, on note 11 révélations d'études récentes. Pour commencer, 80% des gens mentent par rapport à leur grandeur, leur poids, leur âge, tout ça dans leur profil. Je pense que c'est pas très surprenant, 81%. Mais voyons donc! Mais je trouve ça... trop peu? Non, je m'excuse, je trouve ça juste ridicule de mentir là-dessus. Parce que quand tu vas la rencontrer, la personne a des illusions. Et c'est ça le but de rencontrer la personne, sinon ça sert à quoi? Ben c'est ça, je veux dire, si toi ton but c'est de mentir... pour partir sur des mauvaises bases dans une relation, c'est parce que tu veux pas quelque chose de solide à long terme. C'est là. Exact. Franchement. Pas un mot là-dessus. Donc, ce phénomène-là est observé dans une étude de l'Université of Wisconsin-Madison. Les chercheurs ont pesé et mesuré leur sujet, en plus de vérifier leur permis de conduire pour avoir leur vrai âge. Ensuite, ils ont regardé les profils de sites de rencontre de ces gens-là. Les femmes ont tendance à dire qu'elles pesaient 8,5 livres de moins que leur vrai poids. Ça, je pense que ça paraît pas tant que ça, 8,5 livres en moyenne. En te regardant, on ne pourrait pas dire « Ah, tu pèses vraiment 120 livres et non pas 128,5 livres. » Donc, les hommes mentaient un petit peu moins par rapport à leur poids, en moyenne de 2 livres. Mais ils arrondissaient leur grandeur d'un demi-pouce de plus, en moyenne. Et les gens mentaient le moins par rapport à leur âge. Ce qui m'aurait surpris, j'aurais vraiment pensé exactement le contraire, que leur âge serait ce qui manque le plus, parce que quand même, tu veux rencontrer quelqu'un qui est plus vieux, plus jeune, puis ou tu sais, tu ne fites pas dans leurs critères, ils veulent quelqu'un entre 20 et 30, puis tu as 31, tu vas mentir sur ton âge, des trucs comme ça. Ouais, mais justement, si tu fais ton profil avant, tu sais pas quel âge de la personne que tu recherches. C'est un bon point. Je sais pas si tu vois. C'est un très bon point, mais ça change par après. Oui, mais âge. Si la personne a vu ton profil, elle va trouver ça bizarre. C'est vrai. Que de bons points. Les gens qui ont le mot « amour » dans leur profil ont plus de chances de trouver l'amour, selon une autre étude. C'est le site plentyoffish.com qui a fait une étude où les scientifiques ont examiné les choix de vocabulaire dans 1,2 million de profils d'online dating, de sites de rencontres, sur le site plentyoffish.com. Donc, en plus de l'observation qui disait donc que les gens qui avaient le mot « amour » avaient plus de succès pour trouver l'amour, les chercheurs ont découvert que les hommes avaient avantage à utiliser le mot « cœur », le mot « enfant », le mot « romantique » ainsi que le mot « relation ». Moi, si tu mets le mot romantique, cœur puis amour, ça m'attire pas plus. Tu fais next ou... Pas nécessairement, mais je veux dire, t'es là. C'est pas... Tu cherches l'amour et la relation, j'imagine. En tout cas. Sûrement, mais je pense que les femmes recherchent comme ça quelque chose de romantique en général, non? Étant donné, moi, j'ai rencontré mon copain sur Internet. Ouais. Je vais pas sur le quel site? Réseau contact. Okay. Traditionnel. Simple de même. Ouais. J'ai pas mis le mot amour dedans, là. Non. Je m'en souviens. J'écris pas ça, ce genre de mot-là. C'est plus les intérêts communs, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Les hommes passent 50% moins de temps à lire les profils de sites de rencontres que les femmes. Pas surprenant encore, les hommes Pourquoi? Regardent la photo probablement en premier, passent beaucoup moins de temps sur le texte. Mais tu sais, les gars sont les gars sont du genre à écrire à quelqu'un qui ont même pas lu leur profil puis poser des questions qui sont clairement déjà répondues dans le profil. Oui. Ça, c'est insultant. Et ça, tu ne réponds pas à ces hommes-là. Non, montre un peu d'attention. T'as au moins lu le texte puis au moins fait référence à ça quelquefois dans ton message. Là, mais non, mais c'est parce que, je veux dire, si tu lis pas le texte, tu t'en vas où dans cette relation-là? Ton intérêt est où, c'est ça? Non, c'est juste ridicule. Dans le sexe. En tout cas, en 2012, donc, la compagnie de recherche Answer Lab a fait un sondage. Ils ont utilisé un Toby X1 Light Eye Tracker. C'est pas une affaire à vapeur pour laver ton tes vêtements puis tout ça. Non, le Toby qui enregistre les mouvements des yeux des sujets qui lisent des profils de sites de rencontres sur Match.com ainsi que eHarmony.com. En le faisant, ils ont pu déterminer que où les hommes et les femmes regardaient pendant qu'ils lisaient un profil ou qu'ils regardaient vraiment visionnaient un profil de site de rencontre. Les hommes passent 65% plus de temps à regarder les photos dans le profil que les femmes passent de temps. 65% plus de temps à regarder les photos. Mais moi, je pense que c'est les deux ensemble qui est important. Exactement, c'est un tout, tu veux le whole package. Parce que ça arrive qu'une personne, tu la trouves juste normale physiquement. Oui. Et en apprenant à connaître cette personne-là, l'image que tu te fais d'elle physiquement change. Tellement. Je veux dire, quand t'es en amour avec quelqu'un, tu la vois pas de la même façon. Là. Ta façon de la voir change complètement. Elle va devenir attirante après un bout de temps. Moi, la première fois que j'ai vu la photo de mon copain, je me suis dit, ah, il a donc bien l'air jeune. C'était pas que je le trouvais pas beau. Je trouvais qu'il avait l'air trop jeune. J'ai bien fait de pas me fier à cette photo-là, tu sais. Voilà, parce que l'histoire... C'était un vieux monsieur. La race ainsi que la classe sont les facteurs les plus importants pour ceux qui rencontrent des gens en ligne. En septembre dernier, BuzzFeed... pas BuzzFeed... C'est un autre site complètement, ça. Donc, ils ont fait une expérience avec un faux Tinder, en fait, avec des photos, des stock photos qu'ils ont trouvées sur Internet, un genre de faux Tinder. Ils ont appris que lorsque quelqu'un voit la personne de quelqu'un... Excuse-moi, j'ai tellement de misère avec mon nez en ce moment. Ça n'a pas d'allure. Je vais prendre une pause. C'est des choses qui arrivent. Je prends une pause. On revient après avec le reste. Désolé. Pas ça. cocaine. You gotta throw all those pills that just numb away the pain and turn it into fire and burn down the walls that keep you locked tight. With the fist of hands I put down, show your friends that you know how to roll. See and change your life. Run the fields and leave all of your feet behind. The Fields par Return for Refund à Assemblage Ricky. Ils sont arrivés en studio, on n'a pas le choix de les laisser jouer. C'est ça. C'est pas notre studio, c'est le studio de la communauté. Ils peuvent jouer une chanson s'ils veulent. On était en plein milieu d'une liste sur les résultats par rapport au site de rencontre sur Internet tout à l'heure. Et le comportement sûr. Comportement sûr, c'est ça, sur ce site de rencontre-là. Donc, on était en train de parler du site BuzzFeed. Qui a fait une expérience où une de leurs écrivaines, si on peut dire ça comme ça, ouais, a construit un faux Tinder avec des photos qu'elle avait trouvées sur Google, peu importe. Donc, elle nous apprend que lorsque quelqu'un voyait le profil Tinder de quelqu'un et qu'il se disait que c'était un travailleur bien classique, il swipait oui 13% du temps. Tu sais, sur Tinder, tu swipes oui ou tu swipes non, tu glisses avec ton doigt. OK. OK, donc il swipait oui 13% du temps. Mais quand il considérait que la personne était de classe moyenne, il swipait oui entre 36 et 39% du temps. Là, on parle de working class, ça doit être les gars qui travaillent dans des usines, des trucs comme ça. T'sais. Middle class, la classe moyenne, on sait ce que c'est. L'étude nous apprend aussi que les gens préféraient qu'un partenaire potentiel soit de race ambigu ou mélangée. Tu sais, des fois, on va dire, c'est quoi le mot pour ça? Mulâtre? Genre? Métisse. Métisse, exactement. Donc, à la place d'être complètement d'une race différente de la leur. Il n'y a pas une race complètement différente de la leur. Selon BuzzFeed, bien sûr. Le cofondateur de OkCupid, Christian Rodder, a confirmé ce qu'elle a appris. Quand on regarde comment deux Américains vont se comporter dans un contexte romantique, la race est l'ultime facteur qui va les différencier. Une étude récemment publiée par le Journal Proceedings of the National Academy of Sciences nous note que ce phénomène-là n'est pas aussi mauvais qu'il pourrait en avoir l'air. Selon les chercheurs de la University of California San Diego, la majorité des hétérosexuels sur OkCupid contactaient les personnes d'une autre race, au moins répondaient à leurs messages. Donc, il n'y a pas de racisme en tant que tel là-dedans. On ne va pas éliminer ces gens-là. C'est juste que, naturellement, les gens ont tendance à être attirés par des gens soit de leur propre race ou d'une race mélangée avec la leur ou mélangée en général. D'accord. C'est clair, ça? Oui, oui. L'algorithme ne peut pas prédire si deux personnes sont compatibles. Ben non. Ben non. Tu sais, tous les sites de dating vont avoir un petit appareil, un petit sondage à remplir où tu vas pouvoir déterminer qui fit avec toi le plus. Oui, ça demande-tu là-dedans si tu ronfles? Ces affaires-là. Ça devrait, c'est vrai. Donc, un groupe de professeurs en psychologie aux États-Unis a collaboré sur ce rapport-là, décrivant les erreurs ou les fautes qu'il y a dans les sites de rencontres. Ça a été publié dans le Journal Psychological Science in the Public Interest en 2012. Les sites de rencontres ne partageaient pas leurs algorithmes spécifiques avec les chercheurs. Par contre, les professeurs disaient que les sites ne pouvaient pas prédire si une relation a duré juste parce que deux personnes avaient des intérêts similaires et des personnalités similaires. Selon le professeur Eli Finkel, ceux qui travaillaient sur le rapport disaient d'avoir lu là-dessus et se sentiraient en sécurité, se sentiraient confiants de conclure que ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'ils ont dit. Okay. On a confiance parce qu'ils n'ont pas de preuves, mais ils ont confiance de dire qu'on ne peut pas se fier là-dessus. Faites-moi confiance, la bullshit, cette affaire-là. C'est ça qu'ils veulent dire. Un tiers des online daters ne vont jamais sortir pour un rendez-vous avec les personnes qu'ils vont rencontrer en ligne. C'est une statistique surprenante qui vient d'un sondage conduit à la fin de 2013 par Pew Research Center. Encore plus surprenant, c'est que c'est un chiffre encore plus bas qu'il était avant. En 2005, plus de la moitié des gens avec un profil sur un site de rencontre n'étaient jamais sortis avec une personne qu'ils avaient rencontrée là-dessus, comparé donc à la fin de 2013. On disait un tiers des gens. Je pense que c'est peut-être parce qu'il y a une question de curiosité aussi. Mm-hmm. Tu vas t'inscrire juste pour aller zioter, de dire « Ah, peut-être que si, mais sans vraiment aller plus loin. » C'est exactement ça. Il faut se faire un compte et même un profil pour pouvoir voir les profils des autres. Mm-hmm. Souvent, si tu n'as pas de photo, tu peux pas continuer. T'sais. Ah, c'est pas ça. De photo? Pas de photo, hein. OK, il y a des sites où tu n'as pas besoin de photo. Exact. Où tu as juste besoin d'un profil de marquer genre « Je remplirai ça plus tard » et ça fonctionne. T'sais. Ouais. Genre? Ouais, ça te donne pas le goût d'aller voir, par exemple. Pas vraiment. Les femmes qui ne boivent pas reçoivent 24 % moins de messages que les femmes qui boivent. Plenty of Fish nous a fait un petit graphique décrivant les célibataires les plus désirables de 2014 basé sur ce qu'ils avaient observé dans les chez les personnes hétérosexuelles ce qu'ils aimaient, eux, chez le sexe opposé. Donc, le site dit que les femmes ont plus de chances de recevoir des messages si elles sont catholiques, si elles ont un chien, si elles font plus de 25 000 $ par année et s'ils ont... Pardon, une maîtrise. Les hommes vont recevoir plus de messages s'ils sont chrétiens. Bon, on dit brunette en anglais, mais je pense que cheveux bruns serait plus approprié en brunet. Brunet. Exactement. Dans la pharmacie. C'est ce que j'allais dire aussi. Ceux qui font un plus grand salaire et ceux qui ont un doctorat. Doctorat. 30% des femmes consultent leurs amis par rapport à leur profil avant de faire leur profil. Finalement, seulement 16% des hommes le font. Donc, un total de 22% des gens qui ont un profil qui ont un profil sur un site de rencontre avaient posé des questions à leurs amis pour les aider à créer ou à au moins critiquer leur profil selon le Pew Research Center. Les couples qui se rencontrent en ligne ont plus de chances de rompre. Une étude récente... Bon, oui, mais je veux dire, en dedans de combien d'années? Je veux dire, combien de couples durent? Combien de temps? Tous les couples finissent par rompre, soit par décès ou par... si on compte ça comme ça. Franchement. Donc, une étude récente nous apprend que les couples qui se rencontrent sur des sites de rencontres ont moins de chances de se marier. C'est ça. Et puis, les chercheurs de l'Université Stanford et de la Michigan State University ont passé en revue plus de 4000 personnes. Ils ont appris que... Les ruptures étaient plus communes chez les couples qui s'étaient rencontrés en ligne versus hors ligne. Ils disent aussi que le phénomène est vrai pour les couples mariés et les couples qui ne sont pas mariés. Mmh. D'autre côté, les couples qui se rencontrent en ligne ont moins de chances de divorcer. Ce phénomène-là, j'imagine que c'est parce qu'ils se marient moins aussi. On va voir. Ça doit être le pourcentage des couples mariés. Sinon, ça vaut rien, cette statistique-là. Donc, ce phénomène-là devrait être étudié encore un petit peu plus dans les prochaines années. Mais un sondage d'études en 2013 publié par le Journal Proceedings of the National Academy of Sciences nous apprend que 35% des 20 000 personnes qui ont répondu à ce sondage-là avaient rencontré leur époux ou épouse en ligne. L'étude contredit aussi celle de Stanford et de Michigan State, dont on a parlé précédemment, en disant que les couples qui s'étaient rencontrés en ligne avaient 6% de taux de divorce et de séparation par rapport aux couples qui s'étaient rencontrés hors ligne et qui avaient, eux, un pourcentage de 8%. On devrait aussi rajouter à la fin, et c'est ce que ça fait dans l'article, que l'étude avait reçu des fonds du site eharmony.com, qui est un site de rencontre. Donc, moi, aussitôt que le site de rencontre commandite l'étude, un peu moins fort. Ben non. Un peu moins. Et le online dating, les sites de rencontre, économise aux gens 6 400 $. Pourquoi? C'est que si on croit le fait que les gens vont se marier plus tôt lorsqu'ils vont utiliser un site de rencontre, on peut aussi croire que les sites de rencontre vont vous économiser de l'argent. Un groupe de chercheurs chez Converge X Group a calculé que les couples qui se rencontrent en ligne vont se marier après 18,5 mois en moyenne, alors que les couples qui ne se rencontrent pas en ligne vont se marier en moyenne 42 mois. 42 mois après s'être rencontrés. Converge X analyse donc 130 $ par semaine pour les rendez-vous, les sorties, les soupers en amoureux, faisant un coût total de 23 660 $ versus 12 803 $ quand tu te maries plus tôt. Parce qu'une fois que si tu te maries plus tôt, évidemment, t'arrêtes de payer aussi cher. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. Donc tu vas sortir chez McDo, c'est quoi? Chez Burger King, chez I Do Baby. Non, mais c'est n'importe quoi. Là. Je veux dire, c'est pas parce que t'es marié que tu fais plus rien puis que. Mais ce qu'ils disent. OK, ils essaient de justifier ça en disant que si la paire sépare la facture une fois qu'ils sont rendus mariés, ça va faire 6 400 $ par personne économisée, genre avant le mariage ou quelque chose comme ça. De toute façon, sais-tu comment économiser de l'argent? Comment? Marie-toi pas! C'est quoi cette dépense-là inutile? Hey, 2014! Mariage, regarde là. T'as pas besoin de ça? Ben non! Qui se marie religieusement aujourd'hui? Mettons, au Québec. Ouais. Parce qu'on s'entend, là, il y a d'autres pays là, qui sont encore un petit peu... Tu sais, religieux, c'est bon. Ouais. En tout cas. Bref, moi, je trouvais ça intéressant quand même. C'est des statistiques de sites de rencontres qu'on faisait ce matin. Dans son foutu palmarès. Je suis outré. Ben tiens, on est outré et we are out of here. Pendant quelques petites minutes, on va prendre une pause. Au retour, c'est Charles-Antoine Rioux et la collègue du Club plein air QTR. Bon, enfin, quelque chose de pertinent. Rencontrez-vous dans la forêt à la place. Elle sortait qu'un ours à tirer avec du miel. Ah ouais, viens ici, bébé. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Sondage Requin ce mardi 21 octobre 2014 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On accueille Charles-Antoine Rioux pour la chronique du Club Plein Air UQTR. Je pense qu'il va avoir des bons conseils pour nous. J'ai l'impression, je sais pas. Enfile tes skis. Ah ouais, hey, mon ah ouais. J'y vais. On te regarde faire. Ça, je prends mon élan de la côte. Ouais. Parce que rendu. Ça va être là. Le test, c'est vraiment pas bon en ski. T'es pas bon en ski? Non. Ben là, il va falloir qu'on change son intro puis qu'on fasse la marraine. C'est quoi qu'elle a fait? Je pourrais. Ben, ski de fond, je suis pas pire, mais c'est. Ouais, ça pourrait être une petite côte de ski de fond. Ski de fond, explique-moi la différence entre le ski de fond et l'autre sorte de ski. Ton talon est pas attaché sur le ski. OK. Ben, il y a la grosseur des côtes aussi. Ah, oh, ben, tu peux t'amuser en ski de fond des fois. Mais ça va moins bien. C'est un peu moins intense. Ouais. Mais tu fais plus comme de la piste. En fait. Tu peux avancer sur place. Là, en ski alpin, tu fais pas ça. Je veux dire, pas sur place, là, mais sur ouais, le plat. Ouais, sur le plat. C'est facile sur le plan en ski de fond, effectivement. Ouais. En gros, c'est ça. Bref, on va embarquer dans ton sujet éventuellement, oui. Mais avant d'embarquer dans ton sujet, tantôt, pendant la précédente chronique, j'ai dû arrêter de faire ma chronique parce que j'étais trop congestionné. J'ai un rhume, tout le monde a un rhume en ce moment, donc t'avais un conseil, je pense, de grand popard. Effectivement, en fait, c'est vraiment une recette de smoothie pour se booster le système immunitaire avec des caves à booster, vraiment. Ouais. C'est comme si on s'en bloguait deux et on se donnait un shoot. Là. Vous prenez un malaxeur ou peu importe le mélangeur qui peut réduire relativement purer les aliments, puis on ajoute une gousse d'ail, okay. De la poudre ou un morceau de piment de cayenne, un gros morceau de gingembre, une orange, on met un petit peu de miel ou un petit peu de sirop d'érable parce que ça adoucit un peu, ça l'aide effectivement. On mélange tout ça et vous allez voir, ça fait des miracles. Là, tu mets ça dans les fesses. On met aussi un citron entier si possible. Okay. Vous allez voir. Parce que moi, entier avec la pleure. Non, ben, c'est toujours le Vitamix. Là, ça, c'est comme le top. Le luxe. Des malaxeurs, les moyens de se payer ça. Les végétariens capotent. Là, tu peux mettre entier, mais sinon, hein, tu peux prendre juste ce qu'on appelle le suprême, juste les côtés. Petits, d'accord. Mettre ça dedans. Aïe, aïe. Ça en fait des ingrédients, mais évidemment, vous pouvez écouter la balado-diffusion sur Assemblage. Oui, on peut même l'écrire sur le site internet du Tout le Plein Air si vous voulez. C'est génial. Peut vous aider. Ça prend 3 jours idéalement, 3 matins de suite pour permettre à votre système immunitaire de reprendre des forces, de repartir. Puis c'est pas ça doit être méchant, là. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais entre ça puis bâclé. Je préfère ça. Moi, je traîne au citron ultra, genre la formule pour tout. Là, ça. Mais oui, la petite formule douce. Non, là, non, la extra. Là, excuse-moi. Mais oui, là, je parle du goût, moi. Là. Ah oui, ok. Moi, ce que j'aime de ça, en fait, c'est que c'est. On sait qu'il n'y a pas de produits chimiques, on sait que c'est que des aliments qu'on a à la maison. C'est ce côté vraiment, vraiment agréable. Un néostra maison. J'aime ça. Ouais. Donc voilà, on a notre conseil de grand papa. Allons-y avec le vif du sujet. De quoi on parle aujourd'hui? La semaine dernière, en fait, on a eu spécialement une chronique. Puis je vous ai mentionné en fin de chronique qu'il y allait avoir un spécial la semaine de relâche. Mais oui. Alors, on s'attend à quelque chose d'énorme. Ce qu'on a fait ce matin, l'équipe de Cutter et moi, c'est qu'on a mis sur pied un quiz. Donc, j'ai 10 questions ici qui ont rien avec le plein air. Certaines qui portent sur quelques-unes. On a-tu un buzzer? Ouais, on n'a pas de buzzer. Non, mais. Moi, je vais renifler dans le. C'est ça. Pas une personne qui. Non, je continuerai pas ma phrase. Donc, c'est des questions qui sont basées un peu sur des chroniques précédentes que j'ai faites. Okay. Donc, autant qui remontent presque aux premières chroniques qu'on a fait ensemble. Puis quelques-unes qui n'ont pas vraiment rapport. J'étais pas là. C'est pas juste. Là, mais la plupart sont quand même relativement faciles. On n'a pas besoin des chroniques. Okay. Puis, je sais pas si on a un numéro de téléphone en studio, ce qu'on pourrait nous appeler par hasard. Pour le mettre en onde, genre? Ouais, ça se fait-tu, plus ou moins, là. C'est difficile. Ben, ça se fait, parce qu'on n'est pas supposé donner ce numéro-là. OK, bon, ben, les auditeurs auront une chance une autre fois de donner un t-shirt et cutter. Ce sera pour une autre occasion. Mais on peut, à la toute fin, si tu veux poser une question pour le public à la fin de la chronique et donner le numéro de téléphone pendant qu'on écoute la chanson. Et là, on va pouvoir le dire plusieurs fois et les gens vont pouvoir appeler. C'est bon? Absolument. Bonne idée. Donc, on garde une question pour les auditeurs. Je vais en choisir une qui est un peu. Ben facile, tu sais. Notre public, des ouais, fois. Ouais, c'est ça. On a une chance. C'est quoi, là? C'est une blague. Viens, le public n'est pas innocent. Non. Ils ont tout écouté, là, les autres chroniques. Là. Ils sont tous particulièrement sexy, notre public. Parfait. On va en laisser une. OK, parfait. Donc, on va y aller avec les moyens du bord. De toute façon, vous êtes en ligne de mire. Je vais voir qui va réagir en premier pour donner la bonne réponse. Pour payer un droit de réplique. D'accord. Puis, si vous ne l'avez pas, ben, je donnerai la réponse. On va rester comme ça. On va être fair play. On va se battre. Première question du coup exécutaire. Alors, quel est le plus grand danger pour le campeur ou le randonneur? Donc, c'est quoi la chose la plus dangereuse en forêt pour une personne qui se faire manger par un ours. Non. Moi, je vais dire, c'est la déshydratation. C'est deux très bons essais, mais c'est pas ce qui affecte le plus de gens en plein air par année. La chose la plus dangereuse, c'est les arbres morts. Hein? En fait, c'est ce qui va... Ben voyons donc. Oui, effectivement. C'est-à-dire des arbres morts vivants, là, puis là, ils t'attaquent tout, puis ils mangent ton cerveau? Non, des arbres juste morts. OK. Plus des vivants morts parce qu'ils tombent, fait qu'ils étaient debout avant. Mais la plupart, puis en fait, c'est une chose qui va malheureusement tuer des bûcherons professionnels à chaque année. Et l'arbre le plus dangereux, c'est le bouleau, parce que le bouleau, son écorce est imperméable, mais l'intérieur, lui, il l'est pas. Donc, quand il meurt, l'écorce, il reste debout. Puis, comme l'écorce est imperméable, il a l'air super beau encore. Mais l'eau s'est infiltrée à l'intérieur, puis il est pourri. Là, il tombe ça, en plein ça, ça prend un petit choc, un coup de vent ou un randonneur qui s'accote dessus en montant une montée pour que les vibrations fassent tomber le haut de l'arbre. Et c'est vraiment un des plus grands dangers. Hein? Ouais. Eh ben. Question numéro 2. Et là, ça remonte à une de mes chroniques préférées de tous les temps. Où peut-on faire caca dans le bois? Dans ses culottes. On peut, mais admettons que tu as le temps d'y aller, puis il n'y a pas de toilette. Vas-y, Mathieu. Il fallait faire un trou en triangle. Ça se peut-tu? Moi, je me rappelle de ça. Il me semble qu'on avait fait des jokes de V avec oui, ça. Oui, le triangle, en fait, c'était une technique pour se bâtir un banc de toilette maison si on avait le temps. Mais en fait, effectivement, il faut faire un trou. Mais la question serait plus, où peut-on faire ce trou-là? Pas dans le sentier. C'est ouais. C'est bon, ça. C'est une très bonne question. Sur le bord de l'eau. Non, je me rappelle plus. C'est l'inverse, en fait. Tu l'avais. Loin. C'est pas sur le bord de l'eau. Ouais. C'est au minimum à 30... Il perd un point. C'est au minimum à 30 mètres de tout cours d'eau. Okay. Et sentier, si vous êtes gêné. Si vous êtes pas gêné. Ah, sinon, on a le droit sur le bord du sentier? Absolument. Tant que t'es pas sur le bord d'un temps, t'es à plus de 30 mètres d'un cours d'eau. Okay. Parce que même si on l'enterre, quand on est trop proche d'un cours d'eau, ruisseau, lac, quand il pleut, il y a du ruissellement dans le sol. Mm-hmm. Puis on va éviter que ça se ramasse parce que les gens peuvent aller se baigner ou ramasser l'eau potable. C'est un peu ça l'idée. S'il y en a qui ne suivent pas ça, ça veut dire qu'il y a quand même de toute façon du caca dans l'eau. Il y en a qui ne suivent pas ça. Effectivement, il y en a qui ne suivent pas ça. Puis c'est vraiment des recommandations selon des organismes comme Leave No Trace Sans Trace, en fait, qui ont vraiment mis sur pied 7 grands principes. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui aiment ça entendre le plouche. Oui, dans c'est l'eau, vrai. Ils ont besoin de ça pour. Prends ta gourde, fais ton trou par ta gourde, mets de là-dedans pour l'entendre le plouche. J'aime le nom de la place Leave No Trace the Break. Leave No Trace the Break. Je l'avais jamais. C'est pas ça leur nom complet. Question numéro 3. Que peut-on manger sans danger dans le bois en situation de survie? Donc disons que vous avez des rien avec des racines vous. De fougères. des champignons quand on livre ou une application iPhone. Des champignons. C'est ça que si on connaît les champignons, pas de danger. Ouais. Si on n'arrive pas à les identifier, c'est du danger. Des racines, il faut faire attention parce qu'on les racines de fougères. On a des plantes qui sont mortelles au Québec. Et mais pas la fougère. Qui sont pas mortelles, juste indigestes. Les crosses de fougères. Les crosses de fougères, faire attention. Quand ils sont toutes fermées. Il y a juste une variété sur les 8 qui est comestible. Le reste, vont nous faire vomir. Il y a 8 variétés de fougères. Oui, indigènes, du moins, de base. Un écureuil. un indice, mettons que je donne le choix entre animal, mettons des mammifères, des oiseaux, des insectes ou des plantes. Les insectes. Oui. Ah, tout ben ce oui. qui a 6 pattes et moins est comestible sans danger. Tous. Et donc, moins. Quel insecte a moins de pattes possible? Un insecte, par définition, ça a 6 pattes. Ah, mais il peut y en manquer. Il peut y en manquer. Ou ça peut être, par exemple, des vers de terre, des limaces qui sont des araignées, des gastéropodes qui n'ont pas de pattes. Il faut juste faire attention de ne pas monter 8 en montant parce que 8, il y a les araignées. Les araignées, ils ont toutes un peu de venin. La grande majorité au Québec ne peuvent pas nous piquer, mais en la mangeant, on peut quand même avoir des effets néfastes. Par contre, il y a certaines araignées qui ont aussi, en plus du venin, une petite substance qui fait que le venin, qui est liquéfiant, si on veut, qui fait que le venin se rend plus vite dans la proie. Mais ça fait comme de l'aspirine quand on les mange. Mais il faut savoir les différences. C'est pas facile. Mais c'est difficile de compter les pattes d'un insecte. À distance, quand même, il faut que tu te rapproches pas mal. Ouais, mais des choses comme on sait que des mouches, des libellules, éviter les papillons, ça goûte vraiment pas bon. Ah, t'as fait le test, t'as tout goûté à ça. Quelques-unes quand même, je me suis. Puis surprenamment, les vers de terre, une fois cuit, ça ressemble vraiment à du poulet. Vraiment. Tastes like chicken. Donc, c'est vraiment les insectes. Puis en plus, c'est la plus grande source de protéines versus la moins. Mettons, à poids égal entre les insectes et la viande. Il y a beaucoup plus de protéines dans les insectes, il y a beaucoup moins de gras. Mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accès justement à du bétail. Ils vont se nourrir principalement avec des insectes qui ont toutes les protéines qu'il leur faut. Sans les mauvais côtés de mauvais gras ou autre en lien avec les insectes, c'est très, très bon pour la santé. Mm-hmm. Puis, à mon avis, c'est juste une question culturelle. Parce que dès qu'on découvre un peu, moi, j'ai vraiment apprécié ça, en fait. Cool. Question numéro 4. Que doit-on faire lorsqu'on est confronté à un trou de boîte en plein milieu d'un sentier? On pile dedans. On pile dedans. Pourquoi? Parce que si tu le contournes, tu vas élargir le sentier puis tu vas détruire la forêt autour du sentier. Exactement, aye. Toujours. Elle est bonne. Elle est très bonne. Parce que j'étais là à cette chronique-là. J'étais là à toutes ces chroniques-là. Fait que je devrais gagner toutes, mais j'ai pas la mais mémoire. On a fait quand même beaucoup depuis le début, donc c'est normal. T'es pas la seule chronique que j'écoute. Mais effectivement, il faut faire attention. L'idée de détruire l'environnement, c'est mitigé. À savoir, est-ce bon ou c'est-tu mauvais détruire l'environnement? On se le demande. Est-ce que ça détruit vraiment l'environnement de la jolie truc boîte? Oui et non. C'est beaucoup plus une question d'éthique de plein air personnel. De toujours vouloir laisser l'environnement le plus intouché possible pour les autres qui vont vouloir passer. C'est vrai. Donc, puis, si ils se manquent sur un talon haut dans le sentier, ça ne devrait pas arriver. Non. Mais ça arrive pareil. Et on fait traverser le petit chemin sur le côté qui, si une personne ou deux passe pas dans le trou de boîte, ils vont être corrects. Mais habituellement, avec des. C'est fun sauter dans le trou de boîte. Moi, j'aime ça. Ben oui, sentier, t'es dans le bois, profite-en. On en voit un, puis là, le monde passe à côté, puis tout saute dedans pour les arroser. C'est vraiment drôle. Moi, j'adore ça. J'adore. Ça doit être le fun de faire de la randonnée avec toi. Ah oui. En tout cas, moi, je trouve ça le fun. Question numéro 5. Quelle est la première en majuscule soulignée en gras, première chose à faire avant de partir en sortie de plein air? Attacher ses souliers. Amener une boussole. Avant même de penser à l'équipement ou de mettre l'équipement sur soi. Dès qu'on a l'idée et qu'on a la certitude, j'ai eu l'idée, après ça, j'ai la certitude que je pars, c'est planifié. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je regarde la carte du sentier. Ça peut aider. Ouais. Je vais faire mes besoins avant. Bien. C'est très bonne idée, mais il y a des gens qui veulent faire ça dans le bois aussi. Ouais. La réponse, en fait, c'est dire à une personne que vous connaissez où vous partez et quand vous pensez revenir. Mais pas sur Facebook, parce que sinon les voleurs vont savoir que vous n'êtes pas à la maison. Effectivement, ça peut être une bonne chose. Oui, mais ça dépend dans quel genre de sentier on va. Ben, ça dépend, oui. C'est sûr qu'il y a moins de risques de se perdre, par exemple, dans un sentier comme, mettons, le Parc de la Mauricie. Ben, c'est ça. Ou aménagé. Mais n'empêche que ce n'est pas des sentiers qui sont patrouillés tout le temps. Moi, vraiment, okay. Que tu es en haut, tu es en haut de la montagne qui fait la boucle, tu es rendu à mi-chemin et tu te foules la cheville. T'es incapable de redescendre et t'es tout seul, ben, si t'as dit une personne où est-ce que tu étais, puis quand est-ce que tu pensais revenir, elle va commencer à s'inquiéter quand t'es pas revenu le temps. Et là, ça accélère les démarches. Ça, que c'est toujours l'idéal, mettons que tu pars en kayak sur le fjord du Saguenay ou tu fais des plus grandes expéditions, c'est primordial, mais c'est un réflexe qu'il faut vraiment développer. C'est vrai, ça. Super important. Ouais, ouais, ouais. Prochaine question. Est-ce qu'on peut laisser nos déchets biodégradables en plein air? Par exemple, mettons que je mange une pomme. Est-ce que je peux lancer le cœur de pomme dans le bois, même si y a des pommiers qui... Moi, je dirais que ça pourrait être nocif pour un animal qui pourrait s'étouffer avec un cœur de pomme, donc je dirais non. Ben là, il est bien innocent. Ouais, ben là. Hey, c'est... Hein? Hey, juge-le pas. Ou tu sais, non? Ben non, mais je me suis rendu là, s'il s'étouffe avec le cœur de pomme, c'est la sélection naturelle, là. Il s'étouffe avec d'autres choses. Ça y apprendra. En fait, la réponse est non, mais bon. Effectivement... C'est pas pour ces raisons-là. Mais c'est pas faux que tu dis, parce que c'est vrai que... C'est sûr que l'idéal des aliments qui ne poussent pas naturellement au Québec, comme des pleurs d'orange, des bananes, vont se décomposer beaucoup moins rapidement ici, puis c'est pas beau à voir dans une forêt. Okay. Ouais, même les aliments qui poussent naturellement au Québec, s'il y a des pommiers dans le bois, puis je lance mon cœur de pomme, c'est quand même, il y a des risques que les animaux, si c'est pas nocif pour eux, soient accoutumés à l'accès à la nourriture facile. Puis ça, on veut pas ça. Ah, oui. Mais c'est principalement, encore une fois, une question d'éthique. Quand vous achetez quelque chose, quand vous traînez quelque chose avec vous, vous en êtes responsable. Oui. C'est vraiment de se déresponsabiliser que de jeter ses déchets en se disant « j'en ai plus de besoin, c'est plus à moi ». Non, c'est encore à vous. De laisser la place pareil comme elle était quand vous êtes arrivé. Exactement, c'est ça le principe. Okay. Puis ça va jusqu'à ses cœurs de pomme. Puis des fois, il y a dans certaines situations, par exemple des randonnées en haute montagne où il n'y a que de la roche puis il n'y a pas de place pour faire des trous, ben tu ramènes ton petit sac de plastique quand t'es allé au besoin. Oui. Ça va de... tous ces niveaux-là. Puis je pense que les gens devraient commencer à faire ça même en ville. Ben oui, c'est sûr. Les fameux mégots de cigarettes, là, ouais. Il est à toi, hein? Ouais. T'as acheté le paquet, t'es propriétaire de ça, t'es responsable de ne pas le jeter par terre. Je t'aimerais avec. Question numéro 7. Est-ce que l'ours noir est un danger pour le plénériste? La réponse évidente aurait l'air d'être oui. Je vais dire non, je vais avoir le point. Ben, la réponse est oui. Il y a toujours un risque. Peu importe l'animal, que ce soit un écureuil, ah oui, ils sont vraiment traîtres. Qu'est-ce qui t'a fait, l'écureuil, pour que tu commandes comme ça en onde? Il a perdu son bol de pinotte. Il n'a pas laissé une pinotte sur le sommet de mon bol de pinotte, c'est ça? Hein? Non. C'est l'affaire, tu sais? Il n'a pas mis de pinotte. Ouais, bon. Mais non, en fait, tous les animaux sont une source de risque. À savoir si l'ours noir est un risque aussi grand qu'il l'est réellement. Est-ce que l'ours noir comporte un plus grand risque perçu ou versus un risque réel? C'est raciste hein, de dire que les ours noirs sont pires que les autres. Effectivement. L'ours blanc, il est pire, en fait. Oh! Mais, en fait, l'ours noir, pour les trois types d'ours qu'on a au Canada, qui est étant l'ours noir, qui est le plus petit, le plus peureux de la gang, le grizzly, qui est que dans l'ouest. Donc, on l'a pas ça, ici au ça Québec. Me convient. West Side! West Side, qui est beaucoup plus dangereux. Et l'ours polaire, qui est le plus dangereux des trois. Le plus grand aussi, qui, lui, on l'a, mais vraiment dans la pointe très, très nord du Québec et dans l'Arctique. Hey, l'ours polaire, juste un petit fait comme ça, peut vous sentir jusqu'à 100 km à la ronde. 100 km? Il peut sentir les phoques à travers la glace. Traîne-toi pas de Coca-Cola dans les poches. Et ça, tous les expéditionnaires qui ont fait, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont fait le pôle Nord en ski de fond, qui partent d'un point, qui se rendent jusqu'au pôle Nord, puis qui reviennent. Dès qu'ils voient un ours blanc, c'est qu'ils n'auront pas le choix de le tuer. Parce que ça fait des kilomètres qu'ils les traquent, qu'ils les suivent, qu'ils les sentent. Et là, ils le voient, puis ils tournent autour, puis il se rapproche tranquillement, d'heure en heure. Et là, on n'a pas le choix. C'est un prédateur qui est extrêmement persévérant. Ah, ça fait tomber peur. Ouais, hein? Ben oui, c'est tombé peur. Pour revenir au petit ours noir qu'on a au Québec, justement, on a souvent cette image-là de l'ours, l'animal qui est dangereux, puis on a souvent l'image du grizzly aussi dans l'Ouest qui peut être hyper agressif, qui n'est pas obligatoirement, mais qui peut le devenir dans certaines situations. Ben, l'ours noir, là, c'est vraiment une feluette comparée à ses compatriotes canadiens. Il est peureux, il est plus petit, il est curieux, mais c'est il est omnivore, il mange vraiment de tout, littéralement de tout, mais il va préférer les choses qui sont faciles. Donc, il va toujours s'attaquer, disons, à un animal qui est plus en retrait, qui est plus jeune, qui est plus faible, qui est une proie plus facile, et jamais qu'il va s'en prendre à une proie qui est trop coriace. Donc, dès qu'on a un humain, d'un, il a beaucoup plus peur des humains que nous, on a peur de lui. Puis si jamais il est poussé à confronter un humain, par exemple une mère qui a peur pour ses bébés ou un ours qui est extrêmement fin, dès qu'on se débat un petit peu, il fait « OK, il est bien trop difficile pour moi, il va se sauver. Hein. » Donc, il faut vraiment pas en avoir peur. Puis l'ours noir, le meilleur truc, c'est la prévention. Si on fait du bruit, si vous cassez des branches, si vous chantez en forêt, vous en croiserez jamais parce que, ou juste si vous parlez avec vos amis, parce qu'il va... Il va juste vous. Il va se sauver en vous entendant. Hmm. Puis les fameuses cloches à ours là, qu'on vend dans les. Comment? Les cloches. Magasins des cloches à ours. Tu connaissais les cloches à vache? Souvent, dans tout magasin, il y a toujours des gogosses autour de la caisse. Ouais. Quand t'arrives, il faut pas mettre une fourchette avec une cuillère, une fameuse spork. Ben, oui. Ben, il y a des clochettes comme ça. C'est des clochettes avec un velcro qu'on met sur notre sac en disant que ça éloigne les ours. Ça marche pas vraiment. Ouais. Pour avoir fait l'expérience, là, ça fait annoncer à l'ours qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis c'est pas un son qu'il est habitué à entendre. Fait qu'il va être curieux. Il va être curieux. Ça pique, c'est en plein ça. Moi, j'en avais une sur moi quand je travaillais. J'ai fait quelques inventaires forestiers dans une autre vie quand j'étais en foresterie. Puis justement, on avait une cloche à ours. Puis ben, je vois un ours qui passe. Puis je commence à checker la clochette. Je vais dire, il va voir que je suis là. Tout ce que ça a fait, c'est qu'il m'a regardé. Puis il a tourné la tête en disant, c'est quoi cette histoire-là? C'est ce qu'il veut. Donc, c'est là, dès qu'on tousse, dès qu'il voit que t'es un animal, il fait oh! Puis il s'en va. Là. Donc, il faut vraiment pas en avoir peur, mais il y a toujours un risque pour l'ours noir. Continuons. C'est quoi? OK, ça, c'est une question de volet. La question en tant que telle, c'est quels sont les trois objets qu'un plénériste devrait toujours avoir avec lui? Il y a deux volets, dans le sens que c'est quoi les trois objets de poche qui sont toujours importants à avoir avec nous? Puis disons, c'est quoi, selon vous, les trois objets qui vont plus faciliter votre vie en camping? Je vais m'essayer avec... est-ce qu'on peut, genre, chacun des trois réponses? Absolument, absolument. Moi, je dirais... je reviens à ma boussole de tantôt. Je pense que ça doit être bien important. Okay. De poche, là? Ouais, boussole de poche. Ça irait à la poche. Je dirais peut-être des bas de rechange. OK. Peut-être, je sais pas. Et de la nourriture, style des noix, des trucs comme ça. Genre. OK. Je dirais ça. Qu'est-ce qu'il faut toujours avoir? Disons qu'on commence avec les trois objets de poche qu'il faudra toujours avoir sur nous. Un couteau. Canif, là. Ouais. Un ouvre-bouteille dans la soirée. de l'eau. Ça compte-tu comme un objet? Ouais, absolument. Ou une bouteille. Une gourde, bouteille, par exemple. Ouais. Une spork. Un peu. Puis une troisième. Ah, là, un objet. Un imperméable. Oh, c'est bon. Un petit imperméable. Chacun d'entre vous a eu un élément de bonne réponse. Un chaque, c'est bon. En fait, le couteau, c'est un must. Le couteau, c'est quelque chose qui rentre dans nos poches et c'est un outil qui peut devenir, en situation de survie, par exemple, vraiment, vraiment, vraiment utile. Il nous facilite beaucoup la vie. Hein. Moi, c'est une petite opinelle avec le manche en bois, là. J'adore les opinions. En tout cas, c'est vraiment la chose qu'on suggère qu'une personne ait toujours dans ses poches par réflexe quand elle sort dehors. L'autre chose, Mathieu l'a mentionné, c'est un petit peu de nourriture. Donc, ça peut être de l'eau aussi, en fait. Je pense que les deux, c'est une question ensemble. Mm-hmm. Toujours avoir, quand on part, le fameux GORP, je ne sais pas si l'acronyme vous dit quelque chose, G-O-R-P. Non. C'est Good Old Raisins and Peanuts en anglais. En français, on a dit une grosse hostie de ration de peanuts. Ah! Donc, vraiment, c'est toujours bon d'avoir. Il n'y a pas de raisin sec en non, français. Non, pas. Ils ont fait ça au Québec. Donc, c'est quelque chose de toujours bon à avoir. Et la troisième chose, disons, mettons canif avec un petit peu de nourriture, un petit peu d'eau. Troisième chose, c'est un briquet. Un briquet. Ah, parce que de faire du feu, c'est quelque chose qui peut devenir rapidement important. Autant pour signaler sa présence que pour se réchauffer. Et avec le... Ça, c'est les trois classiques. Donc, on est plus chez les puristes. Mm-hmm. Le minimalisme. Minimalisme. Et on pourrait même rajouter un quatrième avec l'air de la technologie. Puis l'air, amener de l'air. Amener de l'air. Oui, l'air de la communication de nos jours, ce serait le cellulaire. Le cellulaire. Parce que c'est surprenant. Il ne doit pas pogner partout. Là. C'est surprenant à quel point ça pogne. Ah, dépend du réseau sur lequel tu es. Oui, effectivement. Mais ça peut aussi être une autre chose qui facilite beaucoup, beaucoup l'évacuation s'il y a un problème. Mais je peux vous dire que dans le parc de la Gaspésie, ça ne pogne pas. Oui. Ça pogne pas. Ça doit dépendre de où tu es par rapport aux montagnes. Oui, yes. De quel réseau que tu es. Parce que j'ai des amis moi, qui, en haut des chic-chocs, ça pognait. C'est avec quelle compagnie de téléphone cellulaire? Ah, ben, je parle pas nécessairement de moi. OK, tout le monde, hein? Ça dépend. T'sais, Roger, ça pogne juste nulle part en Gaspésie. Yes, yes. Moi, je dirais que le cellulaire vient vraiment remplacer la boussole. Donc, je me donnerais un point quand même. Seulement. Quoi que la boussole, on va faire attention. Mais ouais, une boussole, pas de carte. Que, là. Exactement. Ouais, une boussole, pas de carte, vous montez où le nord, mais vous n'êtes pas à vous retrouver. Encore pire, la personne qui a une boussole va dire « Ah, je peux me retrouver », elle va se perdre plus. Donc là, au lieu d'être à l'endroit approximatif, parce qu'elle a dit à la personne avant de partir qu'elle partait, perdue, elle se ramasse perdue vraiment plus loin. Ouais. Quand les gens vont la chercher où elle devrait être, elle n'est plus là. C'est ça, tous les gens vont se dire, mettons que je me retrouve perdu, OK, mon premier but, c'est de retrouver mon chemin. Non, ton premier but, c'est de rester en vie pour qu'on te retrouve. Oui. T'as bien raison, ben donne-moi le point d'abord. Ben quand même, un demi. J'imagine que le meilleur moyen, c'est de rester au même endroit, parce que si tu te promènes puis que les autres se promènent, t'as moins de chances de te faire retrouver. Oui, effectivement. Puis souvent, c'est point de vue psychologique, c'est plus facile aussi. Parce que quand on se retrouve perdu, tu es dans un domaine qu'on ne connaît pas. Et là, c'est le temps, justement, dans les débuts, quand ça va encore bien, de t'approprier ton espace. Okay. Ça joue beaucoup sur quelque chose. On va dire adopter un arbre, par exemple. Ça, c'est ton arbre. Ça, c'est sans farce. Idéalement, pas un boulot mort. Oui, idéalement. Pour seulement 30 $ par mois, adopter un arbre. Ça joue beaucoup, beaucoup sur le volet psychologique, surtout quand la nuit tombe. Parce que vous avez eu le temps de connaître votre espace. On est en territoire connu, c'est facile de se commencer dans une place qu'on ne connaît pas du tout. Mm-hmm. Il fait noir. Parce que ça joue sur bien les choses. Puis là, on préfère ne connaître que ça là-dessus aussi. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Mm-hmm. Continuons. Ah non, en fait, il y a l'autre volet aussi. Mais disons qu'on oublie les items de poche, puis on se dit, si j'ai à pas survivre, mais vivre en plein air. Mettons que je veux monter un petit campement. C'est quoi les trois objets qui seraient les plus importants selon vous? Un campement. Une tente, un canot. Un canot, c'est bon, ça. Tu peux te faire même une petite maison avec, je sais pas, de la corde. Je sais pas en tout. Attends un peu. La corde, une bâche, puis les branches de sapin sont déjà là. Moi, je vais seconder ce que Steph a dit. J'ai aucune idée quoi mettre là-dedans. Mais Steph est parti sur une bonne lignée, en fait. La bâche, juste une toile, juste une quelque chose qui peut nous protéger de la pluie s'il pleut, c'est quelque chose qui est très, très dur à reproduire en forêt. Comme une toile, c'est dur à reproduire. Une toile, aussi. C'est dur à reproduire, effectivement. À la peinture, c'est pas facile. Les pigments de couleur sont pas faciles à trouver dans la forêt. Tu dessines le campement de tes rêves. C'est ça. Un manoir. Mais une bâche, c'est vraiment une chose qui. Puis évidemment, la corde, ça vient un peu avec, mais c'est quelque chose qui est. Pour un campement, va vraiment vous permettre de vous cacher à la pluie. Si vous avez besoin de monter un abri. Mm-hmm. Puis il fait plusieurs choses aussi. Deuxième, ça serait un chaudron. Oh. Vous allez voir qu'avoir de l'eau potable, ça requiert souvent ou la traiter ou la faire bouillir. Et faire bouillir de l'eau sans chaudron, c'est pas facile. C'est un objet auquel on ne pense pas, mais qui va vous faciliter vraiment beaucoup la vie si vous voulez bien vivre. Autant faire cuire votre nourriture que pour avoir de l'eau. Puis s'il y a une manifestation qui passe dans le coin, vous avez déjà un instrument. Absolument. Tu amènes ta cuillère. On peut On fera une parenthèse à la spork à la fin. Génial. Et la troisième chose, en fait, c'est la hache. Une petite hache. Parce que le couteau nous sert beaucoup, par exemple parce que ça rentre bien dans les poches, c'est facile à transporter, mais il n'y a rien. Un couteau, en fait, peut très difficilement vous trouver du bois adéquat pour partir un bon feu qui peut durer longtemps. Wow. La hache peut servir à la fois de couteau si on la tient par la tête, mais aussi très, très, très versatile. Donc, c'est vraiment les trois objets. Et là, c'est vraiment un top 3 très puriste. Là. On s'en convient. Moi, j'adhère beaucoup la philosophie de ce qu'il appelle le bushcraft. qui en fait beaucoup plus les premiers plénéristes, il y a des années 60, qui ont commencé à vivre en forêt avec un peu plus les moyens du bord, si on veut. Personnellement, j'ai plus misère avec tout l'avènement de la technologie. Donc, on pourrait facilement faire un autre top 3. Puis c'est bon de mentionner qu'en plein air, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est vraiment une discipline où est-ce qu'on discute avec les gens, puis on apprend tout le monde tout le temps. Puis on compare des idées, mais il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment un top 3 très personnel que je vous dis en ce moment. Cool. Prochaine question. En fait, dernière question, parce que à l'avant-dernière, parce que la dernière, on va la poser ouvertement en ligne. Au public, exact. Au public. Est-ce que du bon équipement font de quelqu'un un bon plénériste? Non. Ben non. Je dirais non plus. C'est pas l'équipement qui fait le plénériste, c'est le plénériste qui fait le plénériste. C'est comme un photographe. Même si t'as un bon appareil, si tu sais pas t'en servir, tu prends pas des belles photos. Et le meilleur appareil est celui que tu as sur toi. Comme le plénériste et le pénériste? Le pénériste. Plénériste. Celui qui pratique le plein air. C'est ça. Il n'y a pas eu de... C'est pas un mot que la langue française a encore accepté de reconnaître, mais on s'en sert beaucoup dans le domaine. C'est que c'est notre... On tient à cœur. Ça pourrait être le plein artiste aussi. Effectivement. Oh! C'est un artiste du plein air. C'est beau, ça, le plein artiste. Très joli. Encore là, on en revient un peu à la base. C'est... Oui, l'équipement nous facilite la vie, mais quand on fait du plein air, des fois, c'est un peu pour se distancer de la vie de tous les jours. C'est pour sortir un peu de sa zone de confort. Mais si on vient reproduire notre mode de vie urbain en forêt, est-ce qu'on sort vraiment de notre zone de confort? C'est ça. Plus ou moins. Puis, on est vite confronté à de la débrouillardise quand on n'a pas tout l'équipement. Puis, c'est là qu'on se rend compte que l'humain est hyper débrouillard. Puis que si on réfléchit un peu, on peut vraiment se débrouiller avec pas grand-chose. Puis, c'est très valorisant. Donc, c'est... Oui, l'équipement peut vous aider. Faut faire attention. Et là, on arrive à la sport. La sport, la parenthèse qu'on attendait, parenthèse en forme de cuillère. Vous savez, des fois, on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes. Comme Anna Montana. Et puis des fois, en essayant d'avoir le meilleur des deux mondes, on se ramasse à avoir ni un ni l'autre. La spork. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une spork, c'est une cuillère à laquelle on a inséré des petites dents au bout de la cuillère. Mm-hmm. La cuillère, c'est un récipient. Il faut prendre du liquide, puis l'amener à sa bouche. Il faut quand même qu'il y ait une bonne cuve pour le faire. Ouais. C'est une fourchette, c'est vraiment pour piquer, pour aller chercher en profondeur un aliment pour l'amener à sa bouche. Maintenant, vous êtes au courant de à quoi servent à la base des ustensiles. Il y a même des versions avec le couteau sur le manche. Oh, wow. Oui. La spork, les dents sont pas assez grandes pour réellement piquer quelque chose qui est un peu trop mou ou un peu trop dur. Mm-hmm. Essayez de piquer un brocoli un peu cube blanchi avec une spork, vous n'y arriverez pas. C'est trop petites dents. Mais les dents sont assez grandes pour faire des trous dans le récipient de la cuillère. Fait qu'on peut pas prendre de bonnes bouchées de soupe avec la spork. C'est le pire des deux mondes. Mais si tu n'as pas trouvé la bonne spork de la bonne compagnie, il y en a des bonnes sporks qui ont vraiment un bon gros réceptacle sphérique, là, mais tu sais, cuve. Oui, cuve. On en a vu une, ça existe. Où est-ce qu'on a... Ouais, c'était sur Internet. Ça existe. Ouais. Qui était vraiment, elle, je trouvais très, très bien faite. Mais j'avoue que les sports que j'ai vus où les fentes sont beaucoup trop larges en plus, c'est vraiment pas bien fait. Effectivement. Mais il y a d'autres alternatives aux sports. Il y en a que c'est... Toi, t'as dit qu'il y avait un couteau sur certains manches. Des fois, il y en a que ça va être c'est une cuillère mélangée avec un couteau. T'as aussi une fourchette mélangée avec un couteau. Puis t'as aussi... Il y en avait plusieurs autres façons. Puis on peut avoir, justement, celle avec d'un côté une cuillère complète, puis l'autre bord une fourchette complète. Ouais. Mais c'est plus une spork, c'est une fourchette et une cuillère. C'est ça, c'est un combo. C'est comme Cat Dog, le dessin animé où il y avait un chat avec un chien. Mais pas de milieu. Non. C'est ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? Parouski. Ouais. J'aime plaisant, c'est comme le mille pattes humain, là, le human centipede. c'est l'équivalent d'une spork, ça. Donc voilà pour la spork. Mais personnellement, moi, je traîne pas l'ustensile en plein air. Je me trouve deux petits bouts de bois qui sont morts dans la forêt. Baguettes. Je fais des baguettes chinoises. Puis je peux juste les sacrer dans le feu. C'est vrai qu'avec des baguettes, tu te prends vraiment des grosses bouchées de soupe. Mais ton bol, tu le prends de ta bouche, tu vas la boire, ta soupe. Ouais. Puis c'est des noix et t'es manges. Un vrai animal sauvage. L'ustensile, c'est du luxe. donc, on a parlé de spork. Maintenant, c'est pas ça qu'on va vous remettre comme prix, malheureusement. Non, effectivement. Il y a en fait un T-shirt du club de plein air QTR à gagner. Très joli. Et à votre taille, on a plusieurs tailles, en fait. Donc, je ne vais pas tirer un small pour n'importe qui c'est qui arrive, qui nous appelle. Non, vous allez pouvoir les essayer puis en choisir un. Il n'y a pas de problème. C'est un T-shirt vraiment avec notre beau logo sur le chest. Et nos gilets sont d'un beige. Blanc, sable, couleur coton naturel. En fait, c'est du coton qui est pas teint. C'est très joli t-shirt. Donc, on va vous poser une question. Vous allez nous téléphoner. On est en direct en ce moment pour ceux qui se demandent quand répondre. Ça s'adresse à vous qui nous écoutez le mardi 21 octobre. 2014, mardi, 8h35, d'accord? Donc, si ça s'adresse, si vous vous sentez touché par ça, vous allez nous téléphoner au 819-376-5183. On l'a dit tantôt, un parfait pédériste doit traîner son téléphone cellulaire. Donc, même si vous êtes dans fond du bois en Gaspésie, vous pouvez nous appeler. Faites un interurbain au 819-376-5183. Ça se peut qu'il pogne pas l'émission, par exemple. Ça se pourrait. On va vous poser une question et je répéterai le numéro de téléphone après. Absolument. Donc, la question, c'est est-ce que le plein air est accessible à tous? Oh, c'est un piège, là. Tu leur en demandes une bonne. Je sais, mais je suis sûr que j'ai confiance à nos auditeurs. Donc, 376-5183, 819-376-5183. Pendant qu'on écoute Taps, voici Way to be Loved. Pour gagner un T-shirt! T-shirt! 819-376-5183. C'est assez dit, je pense. Is that the way that you are? where your head down alone, tied up when he's there, and tell me that nothing's wrong. Ways to be loved par Tops. Au retour, le bloc pub. On parle de marketing ensemble. Marketing. Il n'y a pas souvent le bois du marketing d'habitude. C'est la seule place, je pense, où il n'y a pas encore de pub. Ça va venir. C'est encore drôle. Ça va venir. Fou de Folk. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. On a toujours Charles-Antoine Rioux avec nous parce que tantôt, on a fait tirer un T-shirt du Club Planaire UQTR et on a eu un gagnant. Un magnifique gagnant. Tu peux le dire, non? Dis-le, Chantoine. Donc, félicitations à M. Jean-Mathieu Simard qui a répondu oui à la question qui était... que j'y avais pas demandé à la base. Il m'a dit, t'as pas une question à me poser? Ouais, ben, si tu écoutes l'émission régulièrement, tu sais que je vais oublier de te demander la question, c'est clair. Donc, la question était... Est-ce que le plein air est accessible à tous? Question piège, j'avoue. La réponse était non, pas était tous, non, parce que les gens qui... ne sont pas, qui sont dans le coma, peuvent pas y aller, c'est ça. Oui. Mais ça reste quelque chose d'accessible. Ça, je trouve que c'est un peu. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait les traîner. T'as raison. On pourrait les traîner dans une barouette. Ah oui, là. Génial. T'es venu de chuchoter à l'oreille. Là, on est dans le bois. Ah, espérant que le subconscient assimile l'expérience. C'est ça, c'est ça. On te remercie, Charles-Antoine Rioux. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, avant de quitter, un petit rappel, c'était la chronique pour le Club de plein air UQTR. Oui. On est en pause pour la mi-session, mais suivez notre page Facebook. Donc, écrivez UQT'AIR sur Facebook pour nous trouver. Et d'autres activités vont venir sous peu dès le retour. Puis moi, j'aime ça, les quiz. Oui, c'est une bonne idée. Ah, ben on va en faire plus souvent d'abord. Oui, c'est génial. Merci encore. Merci à vous. Dans deux semaines, cette fois-ci, pour vous. Oui. Dans deux semaines. Nous, on va continuer notre émission à Assemblage requis. On était rendu à la chronique Le Bloc Pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde dans le Greenland. Je le good Burger King. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. C'est le bloc pub! Yay! Yeah, on aime ça, le bloc pub. On le fait une fois de temps en temps quand ça nous adonne, mettons. Quand il y a du contenu à dire. Donc, allons-y pour commencer avec la nouvelle sur laquelle on avait terminé la semaine passée, qu'on n'avait pas eu le temps de faire et que tu me disais, ben voyons donc, tu vas pas arrêter avant cette pub-là. C'est celle de Kotex qui nous dit d'être gentil avec notre chat de compagnie. Hein? Mais il est beau, le minou! Je pense que celle-là, on devrait l'écouter ensemble. Parlons-en un petit peu. Donc, les chats qui sont très sensibles, lorsqu'on applique un peu de ruban collant sur un chat, ben, ils ont tendance à marcher drôlement. Hein, un peu comme un pad sanitaire okay. vous empêcherait de marcher, vous, mesdames, bien sûr. Donc, on va regarder cette petite vidéo par Ogilvy & Mather Advertising Shanghai, où on voit les chats dans un plan ralenti se câliner le visage. Les chats sont sensibles par nature. De nature. Donc, on leur met un ruban collant sur le dos et les chats se mettent à marcher vraiment tout drôle. Il y en a qui en ont sur le ventre et donc ils vont se recroqueviller le dos. Sur le côté, ils vont se mettre à marcher sur le côté. Vraiment, ils marchent comme des crabes. Les femmes sont aussi sensibles que des chattes. Kotex fournit donc une protection intime et douce pour les femmes. Une protection sans stress qui fait plaisir à vos sens. Kotex. C'est pas merveilleux, ça? C'est joli, hein? Ils ont déjà pris des chats pour une pub... papier de toilette. Ouais, j'avoue. Prendre des chats. Mais avoue que ça a plus de sens d'avoir des chats pour l'entregent féminin qu'on surnomme des fois aussi par le même mot. Ouais. Donc, Ogilvy and Mather pour cette publicité-là que vous pourrez trouver sur assemblagerequis.com. Elle commence à dater, mais je la trouvais très bonne. Ensuite, Pornhub, le site de pornographie en ligne, a commencé à faire des publicités sur des panneaux. Donc, le site pour adultes avec le gagnant de son concours pour trouver une publicité non pornographique pour Pornhub, parce que ça serait facile de faire une pub pornographique, mais d'en faire une qui parle de sexe par la bande, c'est quand même plus difficile. Le gagnant est Nuri Galver, qui vient d'Istanbul et il a été choisi parmi 3000 participants. Il y avait une idée, donc, de gens de différentes nationalités avec différents types de mains de différentes couleurs qui chanteraient « All you need is hand » à la place de « All you need is love ». Donc, ils ont fait les deux en même temps. Le gars, il y avait deux idées. Donc, ils ont fait des panneaux publicitaires sur des gratte-ciels. Et ça dit « Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre main ». Et les deux mains sont placées en forme de cœur. Et à l'intérieur du cœur, tu as bien sûr le logo de Pornhub. On va écouter les artistes chanter All You Need Is Hand par les Beatles. Ils ont engagé la chorale Gotham Rock Choir pour, disons, bénir cette publicité à Times Square à New York City. Ready? Ready? 1, 2, 3, 4. Moi, j'en dirais de s'engager un meilleur caméraman et peut-être sortir un micro pour qu'on entende les paroles. En quelques jours à peine, la pancarte avait été enlevée du Times Square. C'était rendu un carré vide. Ce qui est rare à Times Square, qu'on retrouve un carré vide, souvent c'est remplacé par quelque chose d'autre. Ce qui nous fait croire que sûrement qu'ils ont enlevé le panneau alors qu'ils n'étaient pas encore supposés l'enlever. D'après moi, ça a dû faire controverse ou ils ont préféré arrêter d'afficher. C'est ce que j'en pense. Et pourtant, il n'y a rien de controversé là-dedans. Et c'est l'idée même que ce ne soit pas controversé. Ils ont trouvé une publicité qui n'était pas avec du sexe, mais qui parle par la bande. Ou peut-être que c'était tout simplement pas controversé, mais qu'ils ont décidé d'enlever le panneau, de continuer à payer. Là, les gens se demandent, qu'est-ce qu'il y avait là? Excellent point. Qu'est-ce qui était là? Excellent point. Donc, on peut inventer une controverse aussi. Pornhub.com, bravo. On reste dans le sexe un petit peu avec une publicité sur le côté d'un camion. Si vous allez sur l'article sur assemblagerequis.com, on a même flouté le camion, mais pourtant, c'était un camion qui était dans la ville et qui se promenait partout, donc il n'est pas supposé avoir de controverse là-dessus. Donc, il y a assez de distractions, nous dit-on, quand on conduit. Vous savez, téléphone, musique, café. Mais chauffeur russe avec une raison de plus de faire des accidents. C'est une compagnie de publicité mobile russe qui a récemment envoyé une flotte de 30 camions dans les rues de Moscou avec une publicité promotionnelle sur le côté montrant des seins entre, dans le fond, des seins pris par deux mains et un texte qui disait « Et elles attirent » pour illustrer le pouvoir des publicités sur les camions. Elles attirent, nos publicités, elles attirent, si on veut. Donc, il y a eu 517 accidents automobiles en une seule journée causés par ce camion-là, selon le Daily Mail. Un porte-parole de la compagnie AdvTrack ajoute « Nous voulions attirer l'attention à ce nouveau format publicité. Dans tous les cas d'accident, les propriétaires de voitures vont recevoir la compensation des coûts qui ne sont pas couverts par leur assurance. Mais, tu sais, c'est sûr que ça couvrira pas les gens qui vont peut-être potentiellement mourir par une publicité. Moi, ça doit être sûrement plus des accrochages, là, mais... Probablement. Je trouve ça un peu intense. C'est ridicule. Mais ça montre l'impact que peut avoir... Peut-être, oui, ça montre l'impact que peut avoir une publicité à cet endroit-là, mais c'est parce que ça sera pas tout des scènes. Là. Non, c'est ça. Honnêtement, je trouve ça un peu déplacé. Tout à fait. Et moi, je pense que je suis plus facilement distrait par les grosses publicités des camions d'épicerie ou de restaurants de fast-food. Avec la crème glacée. Oh! Moi, c'est les trocs de crème glacée. Les burgers. Les chips, il y en a trop de camions comme ça qui sont vraiment distrayants. Mais j'avoue qu'une paire de seins, c'est particulièrement... Ça a de l'impact, comme on dit, l'impact de ton char dans les fesses de l'autre. Ensuite, tu vas peut-être reconnaître les logos de la prochaine page que je te montre sur assemblagerequis.com. Je vous l'explique à vous, les auditeurs. Facebook, Twitter et Instagram, on a repris leur logo pour le cancer du sein en les modifiant quelque peu. Donc, c'est une série de publicités de Daily Beast Singapore qui va avec le mois du cancer du sein, qui est le mois d'octobre en ce moment. Par exemple, le logo de Facebook, le F sur un carré bleu, est remplacé par une main ouverte, donc qui prendrait un sein, mais c'est juste la main qu'on voit qui remplace le F, ça fait un F. Ben, on voit la silhouette à l'intérieur de la main qui est en forme de sein. La titine. Oui, c'est ça. Ensuite, sur Instagram, on voit, c'est encore plus évident dans ce cas-ci, mais l'appareil photo d'Instagram, vous connaissez tous l'icône, il y a une lentille au milieu, la lentille est remplacée par une titine, et il y a une petite main blanche qui apparaît par-dessus, et il y a une courbe en bas de la lentille pour faire la forme du sein. Et Twitter, c'est un peu le même principe que Facebook, on remplace l'oiseau de Twitter par une main, et le pouce est, dans le fond, l'aile de l'oiseau. Et puis ça, ben, l'autre, le reste de la main, c'est l'autre aile, ou genre les plumes de la fin du derrière de l'oiseau. Donc, des logos familiers qui ont été redessinés pour rendre un hommage anatomique à la poitrine et vous rappeler de performer un examen mammaire. C'est des publicités pour la fondation Breast Cancer Foundation. Ça pointe aussi vers une pétition en ligne qui demande aux médias sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, de vraiment changer leur logo temporairement. Moi, en tout cas, je suis allé sur les trois et j'ai pas vu le nouveau logo, le logo proposé dessus. Mm-hmm. Donc, je sais pas si ça a été refusé ou si ça va venir plus tard. Peut-être qu'il y a une journée précise qui va être... utilisé pour ça, mais je trouve il n'y a aucune raison de ne pas le faire chez ces trois médias sociaux-là pour encourager la cause. Ben non, surtout qu'on reconnaît quand même les logos. C'est ça, c'est vraiment évident que c'est ces logos-là. Et surtout, tu sais, si Facebook, d'habitude, ne participe pas à grand-chose, là, mais tu sais, il laisse quand même les gens, tu sais, faire leur journée sans maquillage, leur ALS Challenge, les défis où on dit la couleur de ses sous-vêtements, etc., etc. Donc maintenant, ils pourraient enfin participer vraiment à la cause. Ce serait une bonne chose. IKEA, ensuite, qui fait un petit peu son Dove. De leur comportement, si on veut. Tu sais, Dove qui va essayer de tout encourager l'image de la femme qui n'est pas l'image des top modèles en disant les beautés naturelles, tu sais, des femmes de différentes grandeurs, différentes tailles, races, etc., etc., dans leur publicité pour Dove. Donc, IKEA fait un petit peu la même chose dans le même domaine. Le vendeur ou la chaîne de magasins suédoise a présenté un prototype de miroir en Grande-Bretagne qui te regarde de haut en bas, et grâce à la technologie Kinect de Microsoft, ce qu'il y a sur la Xbox, et un peu de collage complexe, va vous donner un robot compliment. Donc, c'est un miroir de motivation, si on veut, basé sur des informations scientifiques ramassées par le magasin lui-même, qui disent que 49% des Britanniques, reçoivent aucun compliment pendant une journée ou une semaine moyenne. 43,6 millions de gens au Royaume-Uni s'autocritiquent par rapport à leur apparence et 33% de la nation croient avoir l'air, dans le fond, à son moins bon moment avant 9h le matin, le lundi matin. Donc, dans 6 minutes, on va être correct. On va être correct. On va regarder un petit peu la publicité, si ça vaut la peine. Attends un petit peu, ici. IKEA qui a aussi fait un petit peu de recherche par rapport aux compliments que les gens aimeraient entendre. Parmi les choix de commentaires, il y avait « Tes yeux sont vraiment incroyables. Est-ce que tu t'es entraîné récemment et t'as la peau qui brille? » Donc, c'est des commentaires que les gens voulaient entendre le plus. On va voir ce que ça donne dans la petite vidéo de IKEA. On sait tous comment, quand on se regarde dans le miroir le matin, ça peut déterminer si on va avoir une bonne ou une mauvaise journée. Ça, c'est ce que la vidéo dit. En fait, un tiers de la nation croit être à son pire avant 9h le lundi matin. OK. Donc, on s'est dit que ce serait bien de commencer la semaine en recevant un beau petit compliment chez IKEA. Et si on réinventait le miroir? Donc, on voit l'entrée d'un IKEA en accéléré. You look fabulous today. Vous êtes fabuleuse aujourd'hui. That's a magnificent beard. Votre barbe est magnifique. Mais c'est une barbe, bien sûr. Have you been working out? Wow, est-ce que tu t'es entraîné récemment? Wow, ta robe est donc belle. Faut que la fille porte une robe. Ben, c'est pour ça qu'il y a Kinect dessus, c'est ça qui est cool. Ça t'analyse pour vrai. Ah, j'adore ce que t'as fait avec tes cheveux. Elle dit, c'est tellement adorable de recevoir un compliment comme ça. Je passais dans une allée et si tu vois, m'a envoyé un commentaire. Je pourrais vous regarder toute la journée, honnêtement. Donc voilà, ça continue comme ça. IKEA qui lance cette idée-là, je trouve que c'est quand même assez sympathique. Ça changera pas le monde. Ça encourage pas vraiment à acheter chez IKEA, étant donné que c'est ce compliment comme ça qui te fait pas acheter. Mais justement, c'est mon genre de marketing préféré, je pense. Le marketing qui va pas nécessairement essayer de te vendre quelque chose, mais plus de changer un peu ta journée. Et ça va te faire associer IKEA avec de bonnes émotions. Je sais pas, moi je trouve ça totalement fake. C'est un peu fake. Je veux dire, moi je passe en avant du miroir et me dirais ça, je suis comme... Ouais, c'est un miroir, je veux dire, c'est des paroles aléatoires. Ouais. Ben justement, peut-être que si ça avait été un humain derrière le miroir qui t'avait vraiment fait un vrai commentaire à la place d'être Kinect avec une voix robotisée, non? Il est quand même payé pour le faire. C'est exact. C'est pareil comme une serveuse dans un bar, elle va pas nécessairement, elle va tout le temps rire de tes blagues. C'est pas parce qu'elle t'aime, c'est parce qu'il veut du pouvoir. Ben, non, je sais pas, ben y a rien qui touche plus qu'un compliment spontané de quelqu'un que tu croises, que... connais pas nécessairement. Tu sais, si je vais dans un magasin, je paye, je trouve que le maquillage de la caissière est super beau, ben j'y dis. Exact. Je veux dire, c'est bien plus le fun, ça. C'est de la gentillesse. Puis tu vois aussi la réaction de la personne. Elle est surprise. Après ça, tu vois qu'elle est contente. Là. Oui. Ça, faudrait plutôt promouvoir ça chez les gens. Quand vous pensez quelque chose de positif de quelqu'un, dites-le à la personne. Peut-être que ça va faire sa journée à la personne puis ça va l'empêcher de se coucher triste le soir. On sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Si tu penses quelque chose de positif, dis-le. Ah ouais, ça pourrait être notre nouvelle campagne publicitaire d'Assemblage Ricky. De dire ça comme ça aux gens. Dites-leur ce que vous pensez d'eux. Positivement. Si c'est positif. C'est ça. Sinon, regardez ça pour vous. Un artiste maintenant qui fait la première publicité du monde qui annonce seulement le sexe. C'est un artiste comme slovaque. Si ça avait besoin d'une pub. Mais c'est que le sexe a toujours été présent dans la publicité, mais on n'a jamais annoncé. Voici une publicité pour le sexe, tu comprends? Donc, un artiste slovaque qui s'appelle Matthias The First dit avoir créé la première publicité qui est purement faite pour promouvoir le sexe et pour aucune autre raison. Donc, c'est pas pour une pilule, c'est pas pour un produit. Il dit, lorsque le sexe devient routinier, c'est nécessaire de changer quelque chose. Et là, à la fin de la publicité, il y a le logo de Metropolitan Film Institute. Faut pas se confondre là-dedans. C'est la compagnie de production qui a travaillé sur la publicité, non pas l'agence. C'est pas pour eux qu'est la pub, même si le logo est trompeur un petit peu. Moi, j'aurais peut-être mis en texte. Donc, on va écouter ça. C'est la publicité pour le sexe. Sexe. Le sexe. Là, on voit un aiguisoir. Like it classy. La plupart aiment ça classe. Le crayon entre dans l'aiguisoir, bien sûr. L'aiguise-crayon, le taille-crayon. Ensuite, on voit... Certains aiment ça rapidement. Là, on voit... Au début, c'était un aiguise-crayon traditionnel, juste un petit bloc là, normal en métal. Oui, oui. Là, on passe à un gros aiguise-crayon à manivelle. Certains aiment ça rapide. On voit... Lancer petit aiguisoir sur le bord d'un lac, certains aiment ça romantique. On voit un crayon qui tourne, certains aiment ça sécuritaire. Un aiguisoir avec deux trous, tu sais, les gros crayons et les petits crayons, et là, ça dit, certains aiment ça dans les deux trous, tu sais. And for some of us, it's for the first time. Là, on voit un crayon de plomb avec un aiguisoir et sur des draps, et ça dit, pour certains, c'est la première fois. There's no perfect size. Il n'y a pas de grandeur parfaite. On voit un petit crayon comme dans une bange. Or perfect age. Ou d'âge parfait s'il y a de la passion. Sometimes, mais des fois, passion la passion peut devenir routinière. Là, on voit un crayon avec un aiguisoir dans un bloc de glace. Et là, on revient à l'âge de pierre. Il y a un crayon de plomb. And that's the perfect time for wild fantasies. Et c'est le moment parfait pour des fantasmes sauvages. Là, on voit le crayon pendre à travers, genre sur une branche avec de la ficelle. Et le crayon entre dans l'aiguisoir. Que la routine aille se faire voir, Metropolitan Film Institute. Mais se faire voir. Se faire pas voir. Pas vraiment, non. Qu'elle aille. Moi, je dis, je serais pas vulgaire, là, mais. On l'a tout entendu. C'est ça. Donc, voilà, c'est une publicité pour le sexe. Ensuite, TVA Sport qui s'offre le métro de Montréal. C'est rare qu'on parle de publicité québécoise. En fait, j'en ai sauté une tonne que j'avais croisée cette semaine parce que je me suis dit que vous les avez vues étant donné qu'elles sont québécoises. Mais en partenariat avec Cogeco Métromédia, TVA Sport va diffuser en temps réel ou a diffusé déjà le pointage des parties du Canadien sur les écrans du métro de Montréal. À l'occasion du match inaugural et de ceux des trois samedis qui vont lui succéder, les usagers du métro vont avoir accès au pointage des parties en temps réel grâce aux 337 écrans de Cogeco Métromédia installés dans les 68 stations du métro. Pour l'occasion, ce que je trouve intéressant ici, c'est que TVA Sport a aussi transformé la station Lucien Lallier en réplique d'une patinoire. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblage.com. Ouais, vraiment, ça a pris du temps avant que je comprenne que c'était pas une patinoire, là. C'est vraiment une station de métro transformée en patinoire. À Québec, il y a aussi un autobus du réseau de transport de la capitale habillé aux couleurs de TVA Sport qui complète tout ça. Mais moi, je pense que l'essentiel, c'est vraiment une station de métro transformée en patinoire. Imagine premièrement le budget, l'attention aux détails qui étaient prises là-dedans. Ouais. C'est magnifique. Et toujours en sport, la marque PokerStars.net qui s'intègre à l'antichambre de RDS. Moi, je trouve que c'est une des pires idées du monde, mais vous allez voir. Donc, dans le cadre d'un nouveau partenariat conclu avec PokerStars.net, RDS a transformé les traditionnels rendez-vous poker à la maison pour les incorporer à des segments réguliers dans son talk show, l'antichambre. Deux fois par semaine, l'antichambre présente un segment à la table de poker de PokerStars.net où panélistes et invités ajoutent un aspect poker à leur analyse de match de hockey. Donc, les participants auront des cartes de jeu imprimées avec des images des joueurs. Ils vont tenter de convaincre la maison, qui est l'animateur Stéphane Langdo, que les cartes qu'ils tiennent forment une main gagnante. Je vais citer le directeur principal des ventes pour RDS, donc le bullshitter en chef. Je cite « Incorporer le poker et Poker Stars à l'émission nous a semblé tout naturel. J'imagine que la plupart de nos téléspectateurs ont déjà analysé le hockey entre amis assis autour d'une table de poker. Nous allons donc recréer ces conversations en studio en y ajoutant un petit plus. » Le premier de ces segments a été diffusé le jeudi 9 octobre. Et tout au long de la saison, les téléspectateurs de RDS peuvent prendre part à des tournois sur PokerStars.net, RDS.ca, c'est leur site web. Tu sais, de l'intégration de produits qui n'a pas vraiment rapport avec le sujet en cours, c'est là que ça vient un petit peu me frotter à rebrousse-poil, parce qu'on parle pas de poker. Là. Si tu ton analyse d'une partie de poker à RDS, parce qu'ils diffusent du poker, si là, l'analyse est faite autour d'une table de poker, makes sense, t'sais, ça a du sens. Oui, oui, oui. Pour analyser du hockey, avec des cartes à jouer, le lien ne se fait pas dans ma tête du tout. Non, on sent que c'est juste du placement de produit. Ça, c'est fake. Oui. C'est vraiment très. Oui, oui, oui. C'est tout pour le bloc pub. T'as pas spé? On s'est amusé. Au retour de la pause, ce sera sa plus simple expression, la chronique de Stéphanie Paradis, où on analyse autour d'une table de poker les expressions qu'on utilise dans la vie. Table de baby-foot. Ah, ce serait pas pire, c'est le lien, ce serait vraiment parfait. C'est dans quelques instants à son avocat. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis, elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On est toujours le mardi 21 octobre 2014, il est rendu 9h05. Dans quelques instants, sa plus simple expression. Oui. Après ça, il nous reste une grosse pointe à l'adresse, écoutez ensemble. La chronique, de malbouffe, certains pourraient dire. Mais avant ça, en musique, voici Rouge Pompier. Dans un nid de poule, j'suis comme un ver de terre. Vert de terre, assemblage requis. Stéphanie Paradis, on va parler des choses qu'on dit dans la vie. Tu sais, on dit des choses, mais des fois, on part à travers notre chapeau, puis des fois, on sait pas trop pourquoi qu'on dit des affaires, puis on pense que c'est la vraie affaire qu'on dit, mais c'est pas la vraie affaire. T'sais. Toi, tu vas être là pour nous dire les vraies affaires derrière les vraies affaires. Est-ce que je parle trop longtemps avant de parler? Voici sa plus simple expression. Calmons le rythme un peu. La plus simple expression, parce que toi, c'est pas tout le temps simple quand tu parles, hein, Mathieu? Pas toujours. Donc, c'est la plus simple expression pour vous expliquer un peu l'origine des expressions qu'on utilise, des locutions. C'est ça que j'ai dit, c'est exactement ça que j'ai dit, c'est que j'ai pris 45 fois plus long. Ouais, sauf que c'est à moi de le faire, c'est ma chronique. Ah, c'est que, ça, c'est ça. Hein? On va commencer. On a une petite thématique à chaque chronique, bien entendu. Et aujourd'hui, ça serait petite thématique religieuse. Oh, intéressant. Donc, on va commencer sans plus tarder avec l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Moine qui est évidemment, des fois, je dirais... Est-ce que je ramène ça au sexe encore? Tu fais ce que tu veux. Parce que ça, c'est quand tu portes quelque chose, quand tu... parce que sinon, t'es commando, tu sais. Genre dans ton pantalon, ouais. Mon moine est exposé, tu sais. Fait que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas parce que je porte des boxers... Que ça fait de moi un boxeur. Que t'es un moine. Que j'ai un moine, c'est ça. Ah ben, ouais, c'est ça. Donc, c'est, C'est l'apparence peut être trompeuse. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, il faut s'abstenir de juger les gens qu'à leur apparence. Donc, on trouve les premières traces de ce proverbe au 13e siècle et serait tiré du latin médiéval. Donc, selon certains, ce proverbe viendrait d'une déformation progressive de la traduction de l'expression latine de Plutarque, qui est « barba non facit philosophum ». Comme on dit. Qui signifiait « la barbe ne fait pas le philosophe ». Hein, c'est bon, ça. Donc, moi, je pense qu'on va dire ça maintenant. La barbe ne fait pas le philosophe. D'autres disent qu'elle aurait pour origine un fait historique, donc en 1297. Je suis pas habituée de dire ce chiffre-là. Cette année-là. Donc, pour réussir à s'emparer par la ruse de la forteresse bâtie sur le rocher monégasque, François Grimaldi, et là, on parle pas de Francine. Ouais, j'allais dire Françoise, mais ça m'a fait. Oui, avec l'affaire Turban, c'est ça, Turban. Et ses compagnons d'armes se sont déguisés en moines franciscains, fait rappeler sur les armoiries de Monaco. Donc, ils s'étaient déguisés en moines franciscains pour s'emparer d'une forteresse. Oui, c'est ça. Forteresse, pas forteresse. Une forteresse. Enfin, peut-être, il faut aussi simplement voir une certaine ironie dans cette expression-là. Donc, en effet, lorsqu'elle est apparue, les moines de l'époque étaient bien loin de suivre leurs préceptes. Donc, n'hésitant pas à accumuler des biens, à ripailler, à courir la gueuse ou à trucider à tout va dans les batailles, ils avaient un comportement très éloigné de celui que leur tenue aurait pu laisser supposer. Ah. Donc, ainsi, un brigand désireux de détrousser un moine en le supposant faible pouvait tomber sur bien plus fort et rusé que lui. Génial. Donc, les moines, ils cachent bien les affaires. Oui, je me cache le moine, comme on dit. Ensuite, se croire le premier moutardier du pape. Tantôt, quand t'as dit sans plus tarder, je voulais dire sans moutarder. Voilà. Je pense que c'est à cause de ça, ça t'a amené vers la moutarde. Voilà. C'est ça. Ouais, c'était quoi déjà ta phrase? Que je fasse une blague dessus, je me rappelle. Se croire le premier moutardier du pape. Se croire le premier moutardier du pape, ben parce que le pape, il aime ça, French's, la moutarde French's. Ouais. On est des Canadiens francophones, Canadiens français, Québécois. Donc, notre moutarde à nous, les Québécois, est la meilleure parce que c'est nous autres, les faux français, French's. Donc, on est les premiers moutardiers du pape. Les premiers moutardiers du pape. En fait, c'est se prendre à tort pour une personne importante. OK. Donc, on pense qu'on est bon, mais on n'est pas vraiment bon. Mettons, ça pourrait être un. Donc, bien que l'apparition de cette expression soit datée, donc la première citation de cette expression-là date de 1771 dans le dictionnaire de Trévoux. Je sais pas si tu connais. Non, je sais. Son origine réelle reste une énigme. Bien entendu, il y a des thèses derrière ça. Donc, la seule proposée a été donnée par Pierre Larousse. Mais elle est considérée un peu comme fantaisiste par les lexicographes modernes parce qu'il n'y en existe aucune attestation, puis ça vient d'une période où les explications pseudo-historiques étaient à la mode. Ouais. Donc, l'histoire que proposait Pierre Larousse est liée à un pape avignonnais. Donc, Jean Avignonnais, quand même. Avignonnais. Okay. Jean 22, qui succéda à Clément V en 1316 et assura son rôle jusqu'en 1334. Date à laquelle il partit rencontrer celui qu'il présentait chez les vivants, non sans avoir auparavant excommunié l'empereur Louis de Bavière. Donc, ce pape aurait eu un péché véniel, celui d'adorer la moutarde. Non, et comme je comprends. Et comme il ne voulait surtout pas manquer de ce précieux condiment et qu'il pratiquait un peu le népotisme, il aurait créé la charge de premier moutardier confié à un de ses neveux qui aurait immédiatement pris la grosse tête vu l'ampleur des responsabilités du poste. Donc, ce qui fait fortement douter les lexicographes de la véracité de cette explication, mais c'est le trou béant de 4 siècles entre Jean 22 et la première attestation de l'expression. Donc, 4 siècles, c'est assez énorme. Donc, ça n'a jamais été rencontré dans un quelconque écrit pendant cette période de 4 siècles. Eh ben. Mais l'histoire est quand même cocasse. Ben oui. Et j'avais jamais entendu cette expression-là avant. Non. C'était tout nouveau. Moi, tu vois, j'aimerais ça pouvoir m'engager un moutardier pour pouvoir arrêter d'avoir... Ça coule tout le temps, les trucs de moutarde, là, le push-push, là, tu sais, là, genre, tu sais, ceux qui sont supposés squirter, là, mais ça, ils tombent tout le temps du liquide, genre, c'est parce que je le brasse pas assez. J'aimerais ça avoir quelqu'un pour le brasser à ma place. Ah, t'es lâche. Quelqu'un pour me brasser un moutarde. Pas très catholique. Ah, la graine de moutarde. C'est ça le jeu de mots qu'il fallait que je fasse, me brasser la graine de moutarde. Ah, ouais, pas très catholique. Pas fait la bonne blague, moi. OK. Hein? Pas très catholique. Ah, c'est une phrase. OK, je pensais que ma blague t'es pas très catholique. J'étais comme non, en effet, elle est athée. Atterrible. Ma blague, elle est terrible. Atterrible. Ah, c'est pas mal la blague que j'avais à faire. Ça veut dire quoi? Non, c'est tout. Pas, là, okay. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire peu conforme à la morale, le sujet, à caution, douteux. OK. Hein? Donc, en fait, l'expression d'origine, c'est pas très orthodoxe. Et le mot orthodoxe désigne à la fois ce qui est conforme à une doctrine, aux opinions et aux usages établis, et les églises chrétiennes des différents rites d'Orient. Donc, c'est deux choses quand même différentes. Il est donc amusant de dire qu'il y a quelque chose de pas très orthodoxe, donc orthodoxe utilisé au premier sens, dans une locution datant du 18e siècle, a pu par simple présenterie sur le deuxième sens se transformer en une chose pas très catholique. Ah. Donc, mais malheureusement, selon oh mon Dieu, je sais pas c'est quoi, c'est un acronyme, mais je sais pas c'est quoi. Donc, la deuxième signification d'orthodoxe ne date que du 19e siècle, exactement comme notre expression, sans plus de précision dans les dates. Alors, laquelle est venue en premier? Est-ce que l'expression est une variante plaisante de pas très orthodoxe? Donc, on ne sait pas trop, mais l'un est inspiré de l'autre, sans aucun doute. Mais tu vois, moi, pour en revenir à ma blague, là, je dirais que j'en ai trouvé une. Pas catholique, ça a rapport avec l'expression « avoir la langue dans sa poche ». Parce que si tu remarques bien, la langue dans ta poche, OK? Pocket, OK? Ouais. Pocket au lick, lick comme liché. Pocket au lick. Pocket au lick. T'as pas la langue dans ta poche parce que tu liches dans ta poche. Pocket au lick. C'est ma blague. Tu vois? C'était pas meilleur, j'aurais peut-être pas dit. Ah, j'ai mal à la tête. Pocket au lick. Par l'opération du Saint-Esprit. Par l'opération du Saint-Esprit, évidemment, ça a rapport avec les médecins dans Trauma, je pense. Donc, non, c'est fini, ça ne jouera plus, ça. Ils ont arrêté ça, paf! Faut que j'arrête mes références, OK? On va prendre Dr. Gray, leçon d'anatomie. Je sais pas ça. Laisse faire, ça a rapport avec ça, je pense. Les OK, donc en fait, ça veut tout simplement dire mystérieusement, d'une manière douteuse. Donc, notre expression est apparue au début du 16e siècle. C'est une formule du catéchisme, bien entendu, qui est associée à la naissance miraculeuse de Jésus. Mais une telle mésaventure pour un mari arrivant régulièrement à d'autres hommes, donc l'obligation de virginité de leur épouse n'étant pas prise en compte, la locution était fréquemment et ironiquement utilisée pour expliquer la naissance d'un enfant dont le père n'était pas connu ou qu'on ne voulait pas connaître. C'est James Hanneman. De Trauma. Je pourrais amener Trauma. Pas connu, pas OK, je pensais te parler de James Heinemann. Non. De Mythbusters. Non. Donc, par extension et à partir du 19e siècle, toute opération dont on ne connaît pas ou on fait semblant de ne pas connaître l'origine, donc toute opération mystérieuse ou éventuellement douteuse, peut avoir été faite par l'opération du Saint-Esprit. Donc, ça n'a rien à voir avec le jeu de société, opération, si on peut appeler ça jeu de société, où on enlevait des fémurs avec des pinces de métal. Ben, pas juste ça... des fémurs, il y avait d'autres choses. Ben, ouais, mais d'autres, moi, ouais, c'est ça. C'est le seul que j'avais en tête, là, en fait. Je l'avais, ce jeu-là, je sais pas si je l'ai encore. C'est un excellent jeu, ça. Et il y a des versions plus récentes avec plein d'autres personnages, puis c'est cool, ça, ce jeu-là. Non, j'étais beaucoup trop stressé. Ouais, mais là, maintenant, t'es rendu plus mature, ça. Je pense que c'est l'année passée, ça. Et finalement, on va en faire un dernier pour te laisser quand même un peu de temps. Donc. Tirer le diable par la queue. Ben oui, le diable. T'sais, c'est pas parce que c'est le diable qu'il a pas le droit d'avoir un petit passe-passe, un petit swing-swing, un petit badaboum-badabing de temps en temps. Fait que tu lui tires par la queue. Ah ouais, c'est monsieur. T'as bien raison. C'est ça. En fait, ça veut dire vivre avec des ressources insuffisantes, avoir des difficultés à subvenir à ses besoins. Ses besoins sexuels. Donc, si Dieu qui gouverne, le diable est dans l'opposition... Et il le montre bien, glissant des pots de bananes autant que faire se peut dans les tentatives infructueuses du Créateur pour ramener l'homme dans le droit chemin. Oh! OK? Donc, oui, ce personnage existe depuis la nuit des temps dans l'imaginaire des humains, sous une forme ou une autre. Donc, les histoires où un homme fait appel au diable pour l'aider à se sortir d'un très mauvais pas sont très nombreuses. C'est pourquoi, suite au mystère qui entoure l'origine de cette expression, de nombreux lexicographes ont tenté de l'expliquer par l'image de l'homme qui, étant dans un grand besoin, passe un coup de fil au diable pour le faire venir, hein, faire un petit pacte avec le diable. Mais une fois ce dernier présent et les raisons de l'appel au secours expliquées, celui-ci décide de repartir sans s'accorder d'aide. Donc, le pauvre homme, qui est pourtant prêt à vendre son âme tellement il est dans le besoin, cherche alors désespérément à le retenir parce qu'ils sont sous la main, c'est-à-dire la queue du diable. Ah. Sinon, on explique peut-être un autre sens... entre le 16e et 17e siècle, les textes où elle apparaît montrent qu'elle signifiait travailler humblement pour gagner raisonnablement sa vie. Donc, c'était un sens quelque peu différent. Mais dans aucun cas, il y a une notion de misère, de gêne, de difficulté à gagner sa vie dans ce cas-là. C'est à partir de 1690 que Furtière donne la signification actuelle à l'expression qui est avoir des difficultés à subvenir à ses besoins. C'est pas mal ça. C'est vraiment cool comme chronique, je trouve. T'as tellement fermé ton micro. Je l'ai fermé pour me moucher, puis je pensais l'avoir allumé. T'as oublié de te réouvrir. J'ai oublié de me réouvrir. T'sais, j'ai oublié d'assouvir mes besoins, Steph. De parler dans un microphone. Phallique. Qui est étrangement gris. Mais une nouvelle mousse, là. D'où le verbe bougrir, hein. C'est... Bougrir. Moi, j'ai une nouvelle mousse, l'autre a fendu. Je me suis fendu le bout du micro. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique plus simple expression. C'est Sinon, je vais être là demain pour autre chose. Pour autre chose tout le temps, mais on t'écoute tous les jours à Assemblage Requis. Et la chronique sa plus simple expression, c'est les mardis à 9h. Voilà. En fait, tes chroniques ont tendance à être à 9h pas mal cette année. C'est vrai. C'est vrai, ça. Je pense que c'est pour se s'habituer l'oreille. À 9h, c'est Stéphanie Paradise. S'habituer l'oreille, je s'habitue à ma voix, puis là, on est capable d'écouter jusqu'à qu'il est rendu vers 9h. C'est exact. On va prendre un petit intermède. Après ça, c'est une grosse pointe à l'adresse. Nous voilà rendus, déjà. Hein? Ouais, petit intermède, je te l'avais dit. C'est un petit intermède. On va être rendu à se mettre quelque chose dans la bouche. Voici une grosse pointe à l'adresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique Malbouffe d'Assemblage Requis où chaque semaine, je vous cherche, je vous trouve un produit que moi, j'ai jamais encore essayé de ma vie. Steph, on sait jamais se l'essayer parce que c'est toujours une surprise pour elle. Et sortons directement le produit de son antre. Mm-hmm. Youpidou! J'espère que tu les as pas déjà vus. Peut-être, parce que la semaine passée, on se rappelle que tu m'avais sorti une photo, genre, hey, tu devrais faire ça comme chronique, puis c'était exactement ce que j'avais, tu sais. Ah oh ouais, c'est parce que c'était nouveau, mais là, est-ce que c'est nouveau? C'est nouveau aussi. OK. Ce sera pas toujours nouveau, bien sûr. Des fois, ça dépend. Mais là, comme je l'ai vu en fin de rangée, dans un présentoir, c'était clairement parce que c'est un nouveau produit qui voulait vous le mettre d'en face. Ce sont les nouveaux gâteaux dans une tasse de Dr. Oetker. Ah, ben, c'était pas très nouveau. Pas très nouveau, d'accord, bon ben. Parce que je les ai déjà vus. Okay, parce que je vais souvent dans la section pâtisserie hein, où il y a les farines, le sucre c'est et ça. Tout ça. Donc, j'ai vu les emballages, mais j'ai jamais goûté. Jamais essayé, on va les essayer ensemble. Parce que je m'en fais des maisons. Ben, j'imagine qu'ils sont sûrement pas mal meilleurs, mais Dr. Oetker, on les connaît pour plein d'autres produits. Docteur Oetker, moi, ça m'inspire tellement pas. J'avoue là. Que Oetker, ça fait étrange. Ils font des pizzas aussi que j'ai jamais essayé. Mais des pizzas Oetker. Si j'aime leur petit gâteau dans une tasse, peut-être que j'essaierai leur pizza. Donc, les mug cake, il y a la version. Ici, je me suis procuré les deux. Évidemment, quand j'ai un choix à prendre, une décision à prendre, je prends les deux. Ah, il y a deux sortes. Deux sortes. On a vanille française aux pépites de chocolat. Qui est le modèle blanc, bien sûr, et le modèle noir qui est au chocolat. C'est des modèles. Et là, on va savoir qui est raciste, qui prend le blanc, qui prend le noir. Et c'est des modèles instantanés. OK. Okay. Quand j'ai vu ce mélange de gâteaux instantané là, on me disait sur l'emballage, ça se fait en 1 minute 5 au micro-ondes. 1 minute 5, c'est pas très long. Et est-ce qu'on a des micro-ondes? On a des micro-ondes à la chasse-galerie. C'est pour ça qu'on va devoir demander l'aide de la chasse-galerie dont j'ai parlé précédemment. Donc, on va devoir leur demander une minute de leur temps par gâteau. C'est pour ça qu'on va prendre une pause en plein milieu de la chronique tout à l'heure. Donc, sur les emballages, on dit 1 minute 5 au micro-ondes. On dit aussi, c'est ce qui me surprenait quand j'ai vu la boîte qui est pas si large que ça. Il y a seulement une portion par boîte. Ah, c'est juste un mug cake par boîte? Un mug cake par boîte pour environ 1,5$. J'ai pas trouvé ça si outrant comme prix. Moi, ça me plaît quand même. Ah, mon Dieu, c'est cher. Ben, c'est cher pour ce que c'est, mais évidemment, les ingrédients que t'aurais à acheter, si t'es avais pas à la base, serait aussi cher. Donc, ce dont vous allez avoir besoin pour ces mug cakes de Dr. Oetker, c'est une tasse ordinaire. Donc ici, on va prendre des tasses de la chasse-galerie, bien sûr. Du lait. On a besoin de 4 cuillerées à soupe par tasse. Donc, la tasse numéro 1 va avoir son propre 4 cuillerées à soupe. Donc, on va devoir emprunter aussi un fond de verre de lait à la chasse-galerie. Quand même, deux étapes primordiales, le micro-ondes et le lait. T'as pas pensé à venir du lait? Ben, je me suis dit, tant qu'à utiliser leur micro-ondes et leur donner 2 piastres de type, on va leur demander le lait aussi. Donc, on va devoir, on peut en fait, soit renverser sur une assiette, ce qu'on fera pas, ce qui est trop compliqué. Pour faire une genre de tour. Une genre de petit tour inversé. Ouais. Sinon, on peut le manger directement à partir de la tasse. Donc, ça va être plus facile. Sinon, on nous dit dans les étapes de devoir de graisser le verre pour que ce soit plus facile de le sortir de la tasse. Mais non, on va pas le sortir, on va le manger dans la tasse, c'est ça qui est le fun. On ne fera pas ça. Mais c'est quoi le but de salir une tasse? Une assiette alors que tu peux juste salir une tasse. C'est ce que je me suis dit, mais les gens, des fois, veulent faire des petits desserts fancy dans leur soirée et donner l'impression d'avoir fait de la recette. Tu veux faire des desserts fancy, là. C'est pas notre genre. Les étapes pour poursuivre à la maison, ce sera de soit graisser la tasse ou de pas le faire, verser la préparation, ajouter le lait, remuer pendant 30 secondes, mettre au micro-ondes pendant 1 minute 5. C'est super simple, ça se fait instantanément. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant la chanson. Okay. C'est pas merveilleux, ça? C'est l'étape que je redoute depuis le début. Est-ce que c'est la même quantité de lait pour les deux mélanges? C'est... non. Hein? Très bonne... Oui. De toute façon, je t'ai envoyé avec les boîtes, là, mais en effet, c'est... Ben oui, il aurait fallu que je le lise. Là. Oui. Dis-moi-le tout de suite. C'est 3 cuillerées à soupe pour la version à la vanille française. 3 cuillerées à soupe, OK? Soupe. Oui, oui. Donc, on verse la préparation, on ajoute 3 cuillerées à soupe de lait, on remue pendant 30 secondes. Ensuite, c'est 1 minute 5. Au micro-ondes, s'il a entre 1000 et 1200 watts. Ah, mais non, on s'en sac. C'est soit 1 minute 10 ou 1 minute 5, dépendant. Et l'autre, c'est 4 cuillères à soupe. Donc, est-ce que tu veux que je t'aille dans les ouvrants ou quelque chose comme ça? Ben. Tu es capable de débrouiller à chasse-galerie? Ben non, mais je devrais être pas pire, là. Pas pire. Donc, je t'envoie faire ça. Parce qu'il faut que je sache quel mélange est lequel. Exact. Parce que le chocolat, c'est 4. Et le vanille, c'est 3. 3. Donc, la chasse-galerie va bien sûr participer à ça, j'en suis certain. C'est pour une bonne cause, pour assemblage requis. Si on apprécie que c'est pour ces fous, ils vont nous donner du lait puis on leur donne 2 piastres de type. Tout est fait. C'est parfait. C'est parfait, cool. Parfait. Pendant qu'on écoute Salomé Leclerc. Là, je suis stressé. Moi aussi, je suis stressé un petit peu. Donc, on écoute Arlon de Salomé Leclerc. Après ça, les nouvelles du fast-food dans le monde entier et on goûte à ce mug cake de Dr. Oetker sur C'est fou. 89.1, c'est une grosse pointe en masse. Tu cours! Je cours aussi. Je cours aussi. Comme si des loups. bénissent les marathoniennes, qui les préservent des grandes averses. Puisse le soleil leur brûler la peau, l'endurcir pour les temps qui viennent. L'avenir attend sur l'horizon qu'on lui donne une nouvelle adresse. Puisse Dieu caresser leurs talons, qu'il protège les marathoniens. Bénisse les marathoniennes et leurs jambes comme des tremblements de terre. Puis chaque secousse les délivrer d'un poids trop lourd, d'une bien longue peine. La terre est fertile sous l'asphalte, les racines poussent et persévèrent. Dieu peut t'effacer le mal, qu'il en délivre les marathoniennes. Les marathoniennes et leurs pensées claires comme la brise fraîche. Puissent-ils faire tomber les décors, les distractions sont nombreuses et vaines. Une vie meilleure attend devant qu'on l'atteigne, oui, mais le temps. Puisse Dieu se montrer clément, qu'il pardonne aux marathoniennes, qu'il pardonne aux marathoniennes. Que Dieu bénisse les marathoniennes par Carla Cudon. C'était précédé de Arlon par Salomé Leclerc. On est toujours en attente de nos célèbres mug cakes. Ça va s'en venir dans les prochaines minutes, c'est sûr. Stéphanie s'en vient avec ça. Sûrement que ça prend plus de temps que prévu. Mais parlons des nouvelles de fast-food pendant qu'elle n'est pas là. Pour faire quelque chose un petit peu pensant. Vous savez que les pumpkin spice latte, les lattes épicés ou la citrouille épicée sont très populaires dans les cafés, entre autres. En ce moment, on peut avoir un café à citrouille un petit peu partout. Et bien, pourquoi pas un hamburger à la citrouille pour accompagner votre café? C'est le Pumpkin Spice Fatty au lieu de latte. Hein? Ça s'appelle le stack. C'est un pain brioche, du cilantro, de l'aragoula, une sorte de laitue, avec un petit peu de vinaigre au riz par-dessus, des oignons caramélisés, du bacon de canard à la citrouille épicée, de l'aioli à la citrouille, et t'as une boulette de bœuf au café et t'as des tranches de tomates pour aller avec tout ça. Donc, c'est le Pumpkin Spice Fatty, un peu comme est la mode en ce moment. C'est la mode aux États-Unis chez Porn Burger, pornburger.me. Et le site pour avoir plus d'informations, c'est leur plus récente création indulgente. Ensuite, les Puzzle Potatoes, c'est des patates en forme de tétromino de Tetris. Vous savez, les petits blocs de Tetris qui sont en T, en S, en Z, en barre longue. Là, je pense que ça ressemblerait juste à une frite. C'est US Foods sur leur site web usfoods.com qui nous propose ce plat, cet accompagnement amusant, les Puzzle Potatoes. Et puis, vous pouvez bien sûr jouer avec parce que, en tant que tel, ça peut compléter une plaque de cuisson au complet. Ces patates en forme de morceaux de Tetris. Ensuite, les beignes au ramen, ramnuts ou domen, peu importe comment vous voulez dire ça. Il y a plusieurs façons de faire cuire des ramen, mais les ramen burgers sont un exemple. Et on a maintenant des beignes au ramen. Apparemment fait de pain frit, Donc, on peut les avoir. C'est plus épicé, en fait, que sucré, nous dit-on. Si on les regarde visuellement, c'est juste des grosses pelotes de pâte avec à l'intérieur des nouilles ramen. Ça va être, ça, en fait, c'était offert au Japon chez Osaka Osho jusqu'au 30 septembre dernier. Allez voir les photos, ça a l'air très attirant chez assemblagerequis.com. Stéphanie est enfin revenue. Bonjour, Stéphanie. Je suis là. Ça a été compliqué, finalement? Ben, c'est parce que déjà, juste ouvrir le sachet, c'est de la grosse cochonnerie. Il fait des ciseaux, genre. Il y a d'autres gens à servir à la chasse galerie. Oui. Leur micro-ondes chauffe vraiment pas beaucoup. Ah. Donc, ça a pris comme plein de temps là, à faire chauffer. Même que je pense que le tien au chocolat, je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de lait, parce qu'on n'avait pas de cuillère à mesurer là, à la chasse galerie. Donc, c'est très approximatif. Donc, le tien, je crois qu'il est pas assez cuit. On aurait dû se concentrer sur un seul et le faire comme faut à place. Moi, ça a l'air pas pire, check, ça tient pas. Ta tasse virée à l'envers fonctionne très bien. Évidemment, on n'a pas graissé les verres comme demandé les instructions de ces mug cakes. Non, mais de regarde, Dr. moi, je pense que j'aurais pas eu besoin là, de graisser. Juste à décoller un peu les côtés, okay. Ça aurait pu facilement tomber. Parfait, parce qu'il proposait de graisser le verre. En passant, pour ceux qui n'ont pas suivi les deux dernières pièces et ce qu'on disait avant, c'est les mug cakes de Dr. Oetker qu'on goûte aujourd'hui. Un à la vanille française qui est le tien et pépites de chocolat et le mien qui est chaud au chocolat. C'est ça. Mais tout ça ressemble à un chocolat chaud que des motons. C'est vrai que ça ressemble à ça. C'est supposé se faire en 1 minute 5 environ. Donc, si vous le procurez à la maison avec un meilleur micro-ondes que la chasse galerie, ça devrait bien se faire. En effet, moi, ça ressemble vraiment plus à un genre de pudding chômeur avec des morceaux de dur dedans. Mais bon, je pense que ça va être très bon pareil. Vraiment. Le tien a l'air d'un muffin en le regardant loin comme ça, je trouve. Il est très bombé. Un dessus de muffin. Donc, on va goûter à ces mug cakes à l'instant. Chacun sa saveur. Ça sent vraiment très beaucoup la vanille de mon côté. Et moi, le chocolat est vraiment intense aussi. Ben, c'est pas mauvais du tout. C'est même plutôt bon. Ça goûte les brownies, moi, plus que vraiment un gâteau, évidemment, à cause de la consistance. Ben oui, je pense que c'était plus saveur brownies. Là. Exact. C'est vraiment très bon. Ça goûte le gâteau blanc avec des pépites de chocolat dedans. Hum-hum. Oh, c'est chaud! C'est quand même très moelleux. Oui, je pense que je me suis brûlé le palais. Mais non, j'aime bien. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de soit trop mâchouillant, ou je sais pas, une texture que tu veux pas avoir dans un gâteau. Mm. Mais non. Peut-être légèrement de cuisson, mais c'est pas facile à évaluer. Vu qu'on n'a pas la base de quoi c'est supposé avoir l'air, techniquement, même si sur l'emballage on voit un petit peu le visuel. Non, je suis satisfait. Ça bat un chocolat chaud, j'aime ça. Parce que le problème, c'est que le dessus va être cuit, puis en dessous, ça sera pas cuit, puis tu le sauras pas. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, toi, est-ce que ce serait le genre de choses que t'achèterais pas vraiment, t'en fais à la maison? Ben non. C'est sûr. Mais bon, pour ceux qui veulent se gâter de ça sans avoir à faire la recette, qui a pas l'air super compliqué, là, tu nous offres peut-être à un moment donné un gâteau gâte dans une tasse. Mais non, je fais pas ça, là. C'est pas ça, trop facile. Mais non, mais c'est ridicule, tu fais juste mettre quelques ingrédients dans une tasse puis tu envoies ça au micro-ondes. Il y a une excellente recette de brownies dans une tasse. Je crois qu'il y a aussi style gâteau blanc comme ça dans une tasse sur le blog de 3 fois par jour. OK. Et c'est le brownies que je me fais à chaque fois que j'ai une envie de sucre. Cool. J'ai toujours tous les ingrédients. C'est très facile, c'est toujours comme 2 ou 4 cuillères à soupe. Fait que c'est un peu de farine, un peu de sucre, un peu de cassonade, un peu d'huile, un peu de lait, un peu de vanille. Puis dans le fond, ça peut pas être mauvais, le truc qu'ils nous vendent à une pièce chaque, c'est juste des ingrédients pitchés dans une poche là, avec les bonnes quantités, puis ça reste les mêmes ingrédients, ça doit pas être super... Ben non, c'est sûr qu'il y a quand même des ingrédients de rajouter là-dedans. Agents de conservation et autres. Ben oui, sûrement. Des cochonneries qui ont pas rapport. Hein. T'as bien raison, mais on n'a pas regardé les ingrédients parce qu'on fait juste manger mal. Voilà, je pense que ça va être tout. Je vais garder les nouvelles pour la prochaine fois. Il y en avait des bonnes, mais on va faire ça. La prochaine fois, dans une grosse pointe en dresse qu'on fait les mardis. En fin d'émission, 9h15, 9h20 environ. Ça goûte pas, ce chocolat, moi. Pas assez? Ben non. C'est supposé avoir des pépites de chocolat dedans, pourtant. Ouais, ça goûte pas. Ouais. Dommage. Mais goûte le blanc. Ouais. C'est pas, on peut pas gagner à chaque fois. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le mien, quand même. Un tour, tu vas aimer ça se fait tout seul. C'est ça. Moi, je suis paresseux, tu sais. C'est de la malbouffe paresseuse qu'on fait ici dans une grosse pointe en dresse. Ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui, Steph. Il était pas à peu près temps, par contre. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30 pour une toute nouvelle édition d'Assemblage requis. Demain, on va être mercredi, donc on va faire Sexy, ça ne devrait pas, on l'a. Bien sûr, tous les mercredis, on va s'acheter des gadgets sur Internet. Sinon, qu'est-ce qu'on a le mercredi aussi? Ben, Monsieur Steph. Pardon? Master Steph. Oui, c'est le moment enfant, le mercredi. C'est vrai, Master Steph, c'est là. C'est là, en avant. Restez sur nos ondes dans quelques instants, dans une heure et demie à peine. Ça passe vite, c'est le dîner con avec Danny Janvier. Ensuite, le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, ça c'est moi, à 13h. À 15h, oui, rock classique avec Alain Lefebvre. 19h, réanimation. 21h, progression chaotique. Cifou.ca pour le site web, la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balles d'audiffusion. Nous, on finit notre tasse de gâteau et on se dit à demain. Bye! Bye.